On va y aller. Bon, bonjour à tous, merci d'être venus à cette 18e séance du MEDSEM. On avait décidé de consacrer à l'actualité du thème des paraphonés, en sciences sociales, que ce soit en méthode qualitative ou quantitative. Alors, je ne vais pas faire une définition des paraphonés, je pense que Stéphane d'ailleurs va y revenir dessus. En général, juste pour vous dire que c'est un objet en fait qui est relativement encore peu connu, en tout cas qui a pas une visibilité extrêmement grande, je pense, dans la en sociologie ou en sciences politiques, notamment en dehors d'une communauté un peu restreinte, notamment de quantitativistes. Et l'idée, c'était un peu de réfléchir un petit peu à ce thème-là, et puis aussi de confronter deux regards possibles sur les paradonnées, ce qu'on peut faire dans les enquêtes par questionnaire et à quoi peuvent servir les paradonnées, et puis aussi comment on peut éventuellement penser la question des paradonnées plutôt en méthodologie qualitative, même si on n'utilise pas forcément le terme, mais comment cette logique ou cette idée peut aider à exploiter aussi les données qu'on recueille, par exemple par entretien. Voilà. D'où l'idée d'inviter deux personnes et de confronter ces deux regards. Donc la première intervention, ce sera Stéphane Leglet, donc qui travaille au département des méthodes statistiques de l'INSEE et qui parlera de l'intérêt des paradonnées pour le suivi des enquêtes et le redressement. Et pour le volet Cali, on a invité Alex Albert, donc qui est maître de conf en sociologie à l'Université de Tours et chercheur au laboratoire CITER, donc qui va expliquer comment on peut quantifier les tours de parole pour qualifier les matériaux, et donc ce qui permettra de réfléchir aux apports et limites des données d'interaction dans l'analyse des entretiens sociologiques. Donc deux interventions qui dureront à peu près 45 minutes. On fera une première série de questions après l'intervention de Stéphane, encore une série de questions après celle d'Alex Albert, et à la fin une petite discussion générale si besoin. Voilà, donc tu as la parole, merci. Ok, merci pour l'invitation. Donc, Guillaume m'a brièvement présenté, mais je vais en dire un petit peu plus parce que c'est, je pense, toujours important de dire d'où on parle et quel background on a en quelques lignes. Donc, moi, je travaille au département des méthodes stables de l'INSEE et j'ai fait une longue partie de ma carrière à l'extérieur de l'INSEE, donc à l'INED pendant quelques années, et puis avant à l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, et je conserve une activité de recherche à l'INSERM aussi, un peu sur mon temps libre pour être honnête, en épidémiologie sociale sur les usages de drogue en population générale. Voilà. Donc de façon générale, le point commun à tous les travaux que j'ai menés, c'est un goût pour les enquêtes quanti. Alors j'avoue, je connais rien du tout au Cali, en fait. C'est bien clair. C'est pas mon univers. Et donc aux méthodes quantitatives pour approcher les populations rares, traiter des sujets sensibles, essayer d'améliorer la qualité de la mesure dans les recueils quanti et redresser des enquêtes, toujours dans le but de faire un petit peu mieux avec les contraintes budgétaires, méthodologiques et matérielles dont on dispose. Alors j'avais initialement prévu de faire un long PowerPoint, malheureusement j'ai pas pu, donc il y aura une partie de ma présentation qui sera purement orale, et voilà, et donc il n'y aura pas de support, mais ce ne sont que des idées, et puis ensuite il y aura deux illustrations d'utilisation de paradonnées dans les enquêtes, une couronnée de succès si j'ose dire, et une autre qui montre un échec relatif mais qui est plutôt rassurant pour l'enquête elle-même. Parce que parfois, la démonstration de l'absence d'un effet est aussi rassurante pour l'objet que, enfin même plus rassurante que le contraire. Alors, qu'est-ce que sont les paradonnées? Donc, dans une enquête quantitative, j'imagine que c'est la même chose pour le Cali, mais ça, l'intervenant suivant en parlera, on peut distinguer trois types de données. Il y a les données de collecte elles-mêmes, c'est-à-dire en fait les données collectées via le questionnaire la plupart du temps. Donc ce sont les réponses aux questions, soit que l'enquêté s'est posé à lui-même via un questionnaire auto-administré, papier, crayon, internet par exemple, ou plus rarement avec un dispositif téléphonique et une reconnaissance automatique de la voix, ça existe. Donc ça c'est le matériau qu'on cherche à récolter en première intention pour ensuite faire des analyses thématiques. Voilà. Il y a un deuxième ensemble de données qu'on appelle les métadonnées, alors, que connaissent bien les gens du dispositif d'InSHS ici, qui sont en fait la description du protocole de collecte dans ses grandes lignes, qui fait l'enquête, pourquoi, comment, quel est le taux de réponse à l'enquête, ce genre de choses. Donc c'est des données de contexte en fait qui permettent d'apprécier globalement le déroulement de l'enquête, les difficultés rencontrées, ce genre de choses. Voilà. Et donc en général, les métadonnées sont diffusées avec les données de collecte pour les chercheurs, les réutilisateurs, de façon à ce qu'ils aient une idée en fait du matériau sur lequel ils travaillent. Dans les métadonnées, on comprend, en plus des données descriptives générales, on comprend aussi un dictionnaire des variables, des tables de code, ce genre de choses. Voilà. Disons que pour un utilisateur qui ne connaît pas, qui n'a pas produit les données, travailler sur une base de données sans les métadonnées, c'est mission impossible, pratiquement. On va faire des bêtises, c'est sûr. Voilà. Et il y a un troisième type de données qui a eu son heure de gloire il y a une dizaine d'années, si on peut dire, du point de vue du nombre de publications scientifiques dans les revues de méthodologie, qui sont les paradonnées. Alors les paradonnées, c'est un terme qui a été inventé par Mick Cooper dans les années, fin des années 90. Mick Cooper qui est un chercheur américain, spécialiste, un des grands noms de la méthodologie quantitative. Et donc il parle des paradonnées comme les données produites par le dispositif de collecte lui-même, en tant que tel. Donc alors, ça a l'air un peu obscur, mais ce sont des données en fait d'activité du système de collecte. Par exemple, l'enquêteur s'est déplacé à tel jour, à telle heure, pour aller contacter tel ménage, qui est identifié par un numéro dans la base de sondage. Il s'est produit telle chose, donc, par exemple, il a essuyé un refus, donc il est reparti. Voilà, ça c'est une première paradonnée. Puis on a les paradonnées qui décrivent l'historique des contacts et des issues des tentatives de contact pour, par exemple, une enquête en face à face, mais c'est la même chose pour une enquête téléphonique. Et on a des paradonnées qui vont décrire le déroulement lui-même de l'entretien. Donc ça pourrait être par exemple des hésitations, des retours en arrière dans le questionnaire, un jugement par l'enquêteur sur la qualité de ce qui est produit. L'enquêté semblait finalement inapte ou n'a pas joué le jeu et a répondu de façon fantaisiste, etc. Donc ce sont des données qui décrivent le processus de collecte des données thématiques elles-mêmes, mais qui en général ne sont pas étudiées en tant que telles. Alors elles sont parfois prises en compte d'un point de vue quanti lorsqu'il s'agit d'apurer le fichier de collecte. C'est-à-dire qu'on se rend compte par exemple tout bêtement qu'il y a des questionnaires qui ont été remplis en 12 heures, en 38 minutes. Là on se dit bon, c'est un peu bizarre, il a dû se passer quelque chose. Donc soit il y a eu une erreur informatique, soit l'enquêté a fait n'importe quoi. Donc c'est souvent le cas par exemple pour les enquêtes internet où on a des temps de réponse qui sont parfois délirants. Au contraire, on peut avoir des temps de réponse qui sont extrêmement courts. Donc là on sait que la personne est passée au travers des questions en faisant enter, enter, enter, enter, enter, enter, voilà. Voilà, donc ça c'est. Donc les paradonnées elles-mêmes, on peut distinguer deux types. Celles qui sont le descriptif du processus de contact, l'historique en fait des tentatives de contact, et ensuite le descriptif quantitatif. De l'enregistrement des données du questionnaire. Voilà. Alors moi je vais essentiellement vous parler des données, des paradonnées de contact. Voilà. Parce que je vais m'intéresser en fait à la qualité de la mesure et donc notamment à la représentativité des échantillons. Il est clair que les données qui décrivent le processus d'enregistrement des réponses au questionnaire sont importantes aussi hein, parce que comme je vous le dis on peut faire des analyses quanti pour avoir une idée des questionnaires qu'il faut éliminer parce qu'on les juge d'une qualité médiocre, ce genre de choses. Mais moi celle-là je vais laisser tomber de côté. En fait c'est souvent pour une phase d'apurement des données, c'est une phase d'élimination d'un certain nombre de questionnaires, donc un nettoyage, et moi je vais m'intéresser à ce qui reste, et dans ce qui reste, une fois qu'on a éliminé les questionnaires jugés de mauvaise qualité, ben on va s'intéresser aux paradonnées historiques de contact. Voilà. Alors, pourquoi s'intéresser à ces données? Pour une raison simple, en théorie des sondages, en fait, classiquement, vous savez, on tire un échantillon dans une base de sondage. Donc une base de sondage, c'est quoi? C'est une liste de caractéristiques et de moyens de contact des unités statistiques qu'on cherche à enquêter dans la population. Par exemple, un exemple classique qui n'est plus vraiment utilisé aujourd'hui, mais c'était par exemple la liste des abonnés EDF. Voilà. Pendant une période, ça a servi pas mal, quand il y avait un monopole, c'était pratique ça. Et donc on allait chez EDF et on achetait des fichiers d'adresse. On avait des éléments de consommation d'électricité, donc qui renseignent aussi sur la taille du foyer, enfin en tout cas, c'est corrélé, disons. Et puis on avait un moyen simple de joindre les gens, c'était l'adresse et un nom. Voilà. Ça, c'est une base de sondage. Donc une base de sondage, elle décrit donc la population et en termes de moyens de contact et de caractéristiques auxiliaires, si on veut. Voilà, donc en général, vous savez, quand on fait une enquête, on ne cherche pas à faire un recensement, donc on tire un échantillon dans cette base de sondage. Et puis après, on fait l'enquête et il y a des gens qui répondent et des gens qui ne répondent pas. Voilà. Donc on peut distinguer les variables Y, qui sont les variables de l'enquête, les variables thématiques. Par exemple, pour une enquête sur la santé, ce sera toutes les variables qui ont trait à l'état de santé, qui seront questionnées dans le questionnaire. Ce sont les variables Y. Et puis on a les paradonnées, qui décrivent l'historique de contact. Voilà. Donc une enquête, elle est de qualité lorsque l'échantillon de répondants représentera correctement l'échantillon tiré, qui lui-même représente correctement la base de sondage, c'est-à-dire la population. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a les 66 millions de Français. Mettons qu'on utilise, par exemple, pas les adresses EDF, mais le recensement de la population. On tire 10 000 logements. On essaie d'interroger les personnes de ces 10 000 logements. En fait, il y en a 7 000 qui participent. Voilà. Et donc, et on va en garder 6500 au final parce que les autres c'est un peu n'importe quoi une fois qu'on a nettoyé le fichier. Et donc, on a 6500 répondants qui doivent être, une fois qu'on les a redressés, ils doivent être représentatifs des 10 000 ménages qu'on a tirés. Et qui, ces 10 000 sont censés être représentatifs de la population globale, sous certains descripteurs. Alors, donc du coup, ce qui nous intéresse, nous, c'est la représentativité, c'est une chose, mais c'est surtout les variables Y. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que, par exemple, la proportion de fumeurs qu'on mesure dans l'échantillon de répondants correspond bien à la proportion de fumeurs qu'il y a dans l'échantillon tiré initialement et correspond bien à la proportion de fumeurs qu'il y a dans la population. Donc, ces variables Y, on veut qu'elles soient mesurées sans biais. Et... Donc, statistiquement, ce qu'on va faire, c'est que, évidemment, on va regarder si les caractéristiques sociodémographiques des répondants correspondent à peu près à celles de la population, chaque étape de l'échantillon, celle de la population dans son ensemble. Et on va essayer, par exemple, s'il manque des cadres, ou si, ce qui arrive rarement en fait, s'il manque plutôt des ouvriers ou des chômeurs, on va essayer de donner plus de poids aux répondants ouvriers chômeurs pour qu'ils représentent les ouvriers chômeurs absents, c'est-à-dire non répondants. Voilà, c'est ça l'idée basique du redressement. Et donc, l'hypothèse qu'il y a derrière, c'est que lorsqu'on fait ça, on va mesurer mieux le Y, parce que le Y sera issu d'un échantillon qui aura les caractéristiques moyennes de la population qu'on cherche à représenter. Voilà, donc l'hypothèse qui est faite sur ce type de redressement, c'est que les non-répondants, ceux qu'on n'a pas eu, se comportent du même point de vue que les répondants pour la déclaration des variables Y. On va dire que les ouvriers et les chômeurs manquants, non répondants, ont le même comportement de réponse que les ouvriers et chômeurs répondants dans mon échantillon. Voilà l'hypothèse de base qu'il y a. Alors ça, c'est difficile par définition à vérifier, hein, parce que en général, on n'a pas la consommation de tabac des non-répondants, puisqu'on interroge dans l'enquête. Voilà. Donc on fait cette hypothèse, qui est parfois critiquable, de comportement homogène des répondants et des non-répondants du point de vue des caractéristiques sociodémographiques et des variables d'intérêt Y. Voilà. Alors, il se trouve que parfois, ce qu'on observe, c'est que on a des individus qui répondent et qu'on a eu beaucoup de mal à interroger. Il a fallu par exemple passer 10 fois au logement pour convaincre les membres du logement d'accepter le principe de l'enquête et ensuite de participer. D'autres au contraire, on les a eus en une fois. Et puis il y en a d'autres, ils sont à la fin du continuum d'efforts qu'on déploie pour enquêter les gens et on les a pas eus du tout. Soit qu'ils ont refusé, on a eu un contact et on sait qu'il y avait des gens qui les ont refusés, soit en fait on n'a pas eu de contact du tout, la porte ne s'est jamais ouverte, on ne sait même pas s'il y a des gens dans le logement. Voilà. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il existe un lien fort entre les paradonnées, donc les efforts de contact, et les variables migratives. Alors, je m'explique, c'est simple, hein, on va regarder que parmi les répondants, puisqu'on n'aura pas la réponse sur les noms et bons, mais on va regarder que sur les répondants, eh bien, en fait, avoir répondu après 10 tentatives de contact, c'est lié à un certain type de consommation de tabac qui n'est pas le même que le fait d'avoir répondu à la première tentative de contact. Voilà. Donc là, on se dit qu'on a une variable qui est comme les caractéristiques sociodémographiques, mais d'un genre différent, lié aux variables Y qui nous intéressent. Et donc, on va pouvoir éventuellement se servir de ce lien pour tenter de redresser l'échantillon. Voilà l'idée qu'il y a derrière. Pour redresser un échantillon, il faut avoir des données qui sont liées aux variables Y et qui sont liées à la réponse à l'enquête, au fait de participer. Donc les caractéristiques sociodémographiques qui sont utilisées dans les redressements classiques, sexe, âge, diplôme, etc., sont liées à la variable Y. Ça, c'est à peu près vrai pour tout et n'importe quoi. Enfin, en gros, sexe, âge, diplôme, c'est lié un petit peu à tout, voilà, c'est sûr. Et ça doit être lié à la réponse, c'est-à-dire à la participation à l'enquête. Et il se trouve que oui, dans les enquêtes, sexe, âge, diplôme, c'est lié à la participation à l'enquête. Donc on a des bonnes variables candidates pour essayer de redresser l'échantillon. Voilà. C'est-à-dire que si on change la représentation sexe, âge, diplôme, on va changer la représentation des variables Y et on collera davantage à ce qu'il y a dans la population réelle. Mais parfois, le lien qu'on a entre les variables sociodémographiques et les variables Y est relativement faible. Il existe, mais relativement faible. Et par contre, on peut avoir un fort lien entre l'historique de contact, les efforts déployés pour interroger les gens, et les variables Y. Or, les paradonnées, donc l'historique de contact, sont aussi de façon naturelle liées à la participation à l'enquête. Par définition, puisque ça décrit l'historique de contact qui mène à la participation à l'enquête. Ça, c'est sûr. Donc, même si ce sont des données censurées, je m'explique, dans un protocole de collecte, en général, on n'autorise pas 100 tentatives de contact en face à face. On en fait 4, 5, et puis après, on laisse tomber. Donc, on ne sait pas, en fait, si la personne, si on avait tenté 100 fois, on ne sait pas si elle aurait répondu. Voilà. Donc, on a des données censurées, ça s'arrête à 5, qui est la fin du protocole autorisé, mais bon. Et donc, les paradonnées sont elles-mêmes, puisqu'elles sont liées aux variables Y, parfois, et à la participation à l'enquête, de bonnes candidates pour participer au redressement de l'enquête au même titre que les variables sociodémographiques. Voilà pourquoi on s'intéresse aux variables de paradonnées. Et c'est particulièrement tentant de faire ça lorsque, dans la base de sondage, on a peu de variables. C'est-à-dire que du coup, on aura peu de variables sociodémographiques pour les répondants et les non-répondants, parce que le redressement, en général, se fait sur des variables qui sont connues pour les répondants et les non-répondants. Voilà. Sauf, évidemment, pour l'opération de canage, mais... Voilà. Bon, là, je prends des précautions un peu particulières, parce que je ne sais pas du tout quel est votre niveau, en fait, en enquête, donc j'essaie d'expliquer de façon très générale. Peut-être que... Ça va être un peu brouillon pour les personnes qui s'y connaissent, mais voilà. Donc l'idée c'est ça, pour faire un redressement d'enquête, il faut des variables qui soient liées à la participation à l'enquête et aux variables Y, et les paradonnées sont des bonnes candidates aussi. Et il y a des cas où on manque de variables auxiliaires, donc de variables dans la base de sondage, et donc voilà, on ne sait pas trop bien comment redresser, et on va le faire directement avec un calage, c'est-à-dire qu'on va utiliser, par exemple, on va artificiellement repondérer les individus de l'enquête, enfin les répondants, donc, pour que ce qu'on appelle les marges, c'est-à-dire la distribution de l'âge, du sexe, des diplômes, etc., représente ce qu'il y a dans la population française. On ne se sert pas de la base de sondage parce qu'on n'a rien, mais par contre on sait qu'on devrait avoir, si tout s'était bien passé, on devrait avoir, je dis n'importe quoi, 30% de cadres, 30% de gens de moins de 40 ans, et ben on va faire en sorte d'avoir ça parmi les répondants. Ces totaux ou ces proportions, 30%, 40%, viennent du recensement de la population. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on est tenté d'utiliser les paradonnées, c'est que dans un certain nombre de cas, on a des données qui sont pauvres, et des données de base de sondage qui sont pauvres, et donc on ne peut faire qu'un calage direct calé sur les totaux, et on ne peut pas modéliser la non-réponse de façon pratique. Voilà. Donc, potentiellement, ces variables-là, ces historiques de contact, sont des variables intéressantes pour la correction de la non-réponse. Alors, je vais vous montrer un exemple simple qui permet de comprendre le truc, j'espère. Donc, c'est dans le cadre d'une enquête scolaire. Alors, l'enquête scolaire, c'est vraiment le cadre idéal pour faire des enquêtes. C'est, si vous avez l'occasion, il faut faire ça un jour, parce que c'est vraiment super, c'est très confortable. Donc, la partie la plus compliquée, c'est de tirer un échantillon d'établissement scolaire, puis de classe. Donc, ça, il faut se mettre d'accord avec le service statistique du ministère de l'Éducation nationale. Donc, ça demande un certain temps, mais c'est possible. Et une fois qu'on a ça, pourquoi c'est facile? Parce qu'en fait, la population des élèves, c'est ce qu'on appelle une population captive. On n'a pas besoin de déployer des efforts démesurés pour aller la contacter, hein, parce qu'elle est en classe. Donc c'est simple. Voilà. Et dans les enquêtes scolaires, le taux de participation il est très élevé. Hein. Il y a quand même très très peu d'élèves qui refusent l'enquête le jour où elles se prennent. Voilà. Tout simplement parce que s'ils font pas l'enquête, ils font rien. Et donc ils s'ennuient, donc ils répondent à l'enquête. Voilà. Par contre, on a quand même des absents le jour de l'enquête. On a 10 à 15% d'élèves qui sont absents. Alors, ils sont absents pour des tas de raisons. Hein. La raison la plus évidente à laquelle on songe, c'est la sèche. Ouais, effectivement, vous allez voir, il y a un sacré paquet de sécheurs dans les enquêtes scolaires. Mais pas que, on peut être malade, on peut avoir un problème familial, le train peut avoir déraillé ou quoi que ce soit. Et puis, on peut aussi, de façon plus exceptionnelle, être en voyage scolaire ou en stage quelque part, ou en visite d'un musée, ça arrive aussi. Voilà, parce que c'est pas toujours possible de mettre en adéquation le jour de l'enquête avec ces contraintes éducatives. Voilà. Alors donc si moi je vais m'intéresser là à un truc, voilà, j'ai parlé de drogue, hein, c'est un peu mon dada. Et puis c'est la drogue, c'est bien parce que c'est un sujet un peu sensible, donc ça cristallise un petit peu toutes les difficultés qu'on a sur les enquêtes. Enfin en tout cas, ça fait un effet loupe. Et donc voilà, il se trouve que dans les enquêtes scolaires, on a un super taux de participation. Donc en général, on se dit, bah oui, on a un super taux de participation. Donc voilà, on fait juste un petit calage, c'est-à-dire qu'on va redresser les totaux des classes. Par exemple, il nous manque 15% d'élèves dans la classe. C'est pas grave, on va faire. On sait que dans la liste de l'éducation nationale, au départ, il y avait, je sais pas, 15 filles et 15 garçons. Ben, on va redresser juste pour avoir dans la classe la bonne proportion de filles et de garçons parmi les répondants, puis on refait le total. Voilà. Donc on fait un calage tout simple et on reconstitue les totaux à partir des marges de la liste de l'éducation nationale. Quand on fait ça, on est exactement dans le cas que je vous disais, c'est-à-dire qu'on fait un redressement tellement simple qu'on fait l'hypothèse que les non-répondants, donc les absents en fait, en l'occurrence, là, ils ont les mêmes caractéristiques de réponse que les présents. Alors si on réfléchit un tout petit peu, et qu'on utilise bien les stéréotypes qu'on a tous dans la tête, on se dit, ouais, non, mais les sécheurs, pour la drogue, c'est sûr que c'est pas pareil que les autres. Et effectivement, vous avez raison. Il se trouve que ça se vérifie empiriquement. Hein. Donc, d'une façon très simple, déjà pragmatique, on peut avoir des soupçons très forts. Si on demande aux présents, qui ont l'amabilité d'être présents le jour de l'enquête et de répondre à votre questionnaire, le nombre de jours d'absence qu'ils ont connu au cours des 30 derniers jours, et on leur demande les motifs. On leur demande est-ce que vous avez séché, est-ce que vous avez séché, voilà, le nombre de jours. Est-ce que vous avez été absent pour raison de maladie, excusée, quoi, ou autre. Ou alors est-ce que vous avez été absent pour d'autres raisons. Ça, c'est un peu le fourre-tout, d'autres raisons. Mais... et bien, effectivement, on va pouvoir voir que par exemple, la proportion de fumeurs, ou la propension à fumer, est très corrélée avec le nombre de jours d'absence déclarés, et en particulier avec le nombre de jours de sèche déclarés. Donc là, vous pouvez avoir un soupçon très fort. Vous dites, ok, les gens qui sont présents mais qui étaient très fortement sécheurs, ils ne fument pas comme ceux qui n'étaient pas sécheurs. Donc, par transitivité, si j'ose dire, où j'extrapole et je me dis que ceux qui sont vraiment pas présents et qui sèchent, c'est sûr que ouais, ils vont fumer plus que les autres. Et vous avez raison, en fait, on pourrait se dire, oui, mais vous n'en savez rien parce que vous n'avez pas interrogé les sécheurs. Ça se trouve, ils sèchent juste parce qu'ils sont nus. En fait, il y a peu d'études, mais il y a quelques études empiriques qui ont montré, en ayant interrogé les sécheurs chez eux, qu'effectivement, ils avaient des comportements déviants plus fréquents que la moyenne. Donc vous avez quand même un bon taux de participation dans les enquêtes, une façon simple de redresser avec les totaux et les pourcentages de garçons-filles par classe, qui sont fournis par l'éducation nationale, et vous dites, bah, c'est bon, je suis hors d'affaire. Sauf que quand il vous manque 15% des élèves, et quand vous avez une partie de sécheurs là-dedans, vous pouvez vous dire, ouais, mais peut-être quand même que c'est pas tout à fait bon. Et alors, c'est particulièrement ennuyeux, ce genre de non-réponse, qui est lié au sujet de l'enquête, ce qui est le cas de la sèche, là, pour les drogues, parce que c'est ce qu'on appelle une non-réponse non-ignorable. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas corriger ce biais de non-réponse, le fait que les non-répondants sécheurs se comportent différemment du point de vue de la drogue des répondants présents. On ne peut pas le corriger avec juste des totaux, là, comme j'aime le dire. Parce que l'hypothèse qui est qu'ils se comportent de la même façon, elle est fausse. Voilà. Alors, je vais vous présenter... Alors, pourquoi c'est non ignorable? C'est parce que, du coup, on ne peut pas le corriger avec un calage simple, donc la remise au carré des totaux, là, comme je vous le disais, et on ne peut pas le modéliser non plus. On pourrait envisager de le modéliser, c'est modéliser la propension à être sécheur le jour de l'enquête, sauf que ce n'est pas possible, parce que dans la base de données que vous avez des gens qui ont un historique de sèche éventuellement, ça c'est ceux qui ont bien voulu vous répondre, c'est les présents, et puis vous avez des sécheurs le jour J. Mais c'est exclusif. Les sécheurs le jour J, vous n'avez pas leur historique de sèche. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont absents, vous n'avez aucune donnée sur eux, à part le fait qu'ils sont absents. Et présents, et ben par définition, ils sont présents, ils ne sont pas absents. Donc vous ne pouvez pas modéliser le fait d'être absent le jour J. Par des moyens classiques, ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas le redresser de façon classique avec un calage, et on ne peut pas le modéliser dans une phase antérieure au calage, donc c'est pas possible. Voilà, donc là je vous montre un exemple de ça, de ce que ça fait en fait la sèche, à travers le dernier exercice dont les données sont disponibles de l'enquête ESPAD 2015, la dernière elle vient d'être collectée là, donc les données vont sortir bientôt. C'est une énorme enquête européenne, il y a presque une quarantaine de pays qui participent. Le tirage il est fait par l'ADEP, donc c'est dans de très bonnes conditions, il y a un super plan de sondage, etc. C'est bien fait. Et puis voici les variables que je vais vous présenter. Hein. Donc les usages d'alcool, de tabac et de cannabis au cours des 30 derniers jours. Donc c'est trois. Enfin, c'est des échelles ordonnées. Hein. Donc pour l'alcool et le cannabis, c'est 0 fois, 1, 2 fois, 3, 6, 9, 10, 19, 20, 39 et 40 fois et plus au cours des 30 derniers jours. Et pour la cigarette, c'est pareil, c'est ordonné. Hein. 0 cigarette, une par semaine, enfin moins d'une par semaine, jusqu'à 20 et plus par jour. Voilà. Et puis on simplifie souvent, hein, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas des moyennes sur ces variables. Ordonné, mais c'est plutôt des trucs binaires du genre l'usage quotidien de tabac ou les usages réguliers d'alcool et cannabis, c'est 10 usages et plus. Voilà, pour simplifier, souvent c'est ce qu'on fait. Alors, comme je vous le disais, dans cette enquête, on recueille dans le questionnaire les fréquences d'absence passées au cours des 30 derniers jours, suivant trois motifs. La sèche, il n'y a pas de motif, et le mot qui est expliqué dans le questionnaire, enfin qui est fourni dans le questionnaire, dans le libellé, c'est bien la sèche. Hein. Maladie et autres motifs. Voilà. Et donc l'échelle de réponse est 0, 1 jour, 2 jours, 3, 4 jours, 5, 6 jours, 7 jours et plus. Voilà. Alors, si j'avais que ça, ce serait un peu ennuyeux. Il faut que je connaisse aussi la proportion de sécheurs, le jour J, ou la proportion d'absents. Et il se trouve que l'enquêteur qui présente l'enquête, qui distribue les questionnaires et qui les ramasse, il fait aussi l'appel. Voilà, c'est pratique ça. Et donc il dénombre les présents participants. Enfin, il fait l'appel. Nous, il ne nous fournit pas l'appel. Il nous compte les gens. Quoi. On a juste un décompte. Et on sait qu'il y a tant de filles présentes, tant de garçons présents. On sait qu'il y a des présents qui refusent l'enquête. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Vraiment très très peu. Mais il y en a quand même quelques-uns. Et il est capable d'identifier les sécheurs, c'est-à-dire les absents sans motif. Alors, c'est parce qu'en fait, les établissements scolaires sont en général, préviennent les parents quand il y a une absence à l'entrée, et du coup, on sait que, s'il y a un motif qui est fourni ou pas. Voilà. Et donc, il y a aussi des absents excusés. Les parents ont prévenu, ils ont répondu à la sollicitation SMS du collège ou du lycée, et donc voilà. Et puis après, il y en a certains, on n'est pas très sûr. Il y a quand même des fois, la remontée d'infos n'est pas parfaite, donc il y a quand même un contingent d'absents. On ne sait pas si c'est des sécheurs, on ne sait pas si c'est une absence légitime. Néanmoins, on a la possibilité d'identifier les sécheurs vrais, ce qui est sans doute une sous-estimation du nombre de sécheurs, hein, les autres. Voilà, donc dans l'échantillon, il y a 284 classes, 7169 élèves ciblés dans la base de sondage, hein, dans l'ADEP. On a 6185 présents, donc il en manque 1000 hein, quand même, le jour manquait. On a donc 984 absents, dont 16 refus parentaux, vous voyez, c'est un peu négligé, quoi. Parce qu'ils sont mineurs, donc il faut que les parents donnent leur accord. Et 6007 ont répondu à un questionnaire analysable. Donc en fait, on a, en plus des absents, on a aussi des questionnaires qu'on exclut, parce que grâce, d'une certaine façon, aux paradonnées sur le questionnaire, on voit que c'est un peu pourri. Voilà. Donc en fait, on n'a que 83,7% des questionnaires qui doivent représenter les 100% d'élèves. Donc il en manque quand même 16%. Et on a 359 sécheurs avérés. Donc ça fait 36,5% des absents le jour J et 5% des élèves ciblés. Alors je vais me dire, c'est pas beaucoup, hein. Ouais. Mais quand même. Voilà. Donc là, c'est le nombre de jours de sèche, peu importe, parce qu'on a quand même un peu de non-réponse. Les jeunes ne répondent pas toujours, hein, au questionnaire. Donc on a 5,4% dans le questionnaire de non-réponse à la question des absences pour cause de maladie ou autre, 8% de non-réponse pour la sèche et 7% pour les autres raisons. Bon, c'est pas non plus complètement délirant hein, comme taux de non-réponse. Donc on peut le redresser très très bien, enfin l'imputer, voilà, donc ça change pas grand chose. Et voici le lien qui existe entre les jours séchés ou les jours d'absence, le total, et les fréquences de consommation de cigarettes, d'alcool et de cannabis au cours des 30 derniers jours. Alors c'est un bête coefficient de corrélation linéaire. Hein, donc voilà, donc les jours séchés, ben, c'est très lié, vous voyez, à la fréquence des cigarettes au cours des 30 derniers jours sur l'échelle ordonnée de 0 à 7. Les jours d'absence aussi. Par contre, l'alcool, pas du tout. Ça, c'est vrai pour les filles. Et pour le cannabis, on a à peu près des corrélations qui sont similaires à celles observées pour le tabac. Pour les garçons, on trouve à peu près le même schéma. C'est même un peu plus fort pour le cannabis. Voilà. Bon. Et par contre, l'alcool, pas le lien. Donc, vous voyez tout de suite que ce sont des données qui portent que sur les répondants. J'ai pas ces choses-là sur les 16% d'absence, par définition. Mais n'empêche, on a quand même une corrélation forte entre l'historique d'absence. Donc les paradonnées, en fait, enfin, d'une certaine façon, c'est pas vraiment des paradonnées, là, c'est une enquête, mais... Et la variable Y d'intérêt. Donc les paradonnées, elles sont où, là, dans mon truc, en fait? Ce sont les décomptes, ici. C'est le problème est légèrement inverse, c'est le décompte des absents et présents, etc. Voilà. Donc on peut vérifier qu'effectivement c'est l'âge sèche qui joue. Hein. Un jour de sèche supplémentaire, ça augmente les chances de 28% de fumer du tabac quotidiennement. Donc c'est vraiment beaucoup. Hein. Et pour le cannabis, c'est 32%. Voilà. Donc moi ce que je vais faire, parce que là l'idée qu'il y a derrière, c'est tout simple. Je peux pas modéliser, comme je vous l'expliquais, le fait d'être absent le jour J, hein, ça ne se modélise pas vraiment bien. Surtout en fonction de l'historique de sèche ou d'absence. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est me dire que les absents le jour J, ils ont d'autant plus de... Enfin, que si on imagine que le jour de l'enquête est distribué à peu près au hasard, c'est pas tout à fait vrai, mais pour les élèves, c'est un peu ce qui se produit, parce qu'en fait, ils n'organisent pas leur emploi du temps pour ça. On peut imaginer que le pourcentage de jeunes qui décident de sécher parce qu'ils savent qu'il y a l'enquête, bah, il doit être quand même très très faible. Donc les absences, elles ne sont pas liées à l'enquête, il n'y a quasiment aucune chance. Par contre, donc si on pense que c'est le jour tombe à peu près au hasard, et ben en fait c'est bien les présents qui déclarent un historique d'absence ou de sèche important qu'avaient les chances d'être absent ou sécheur le jour J. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui déclare qu'il a séché, il a eu 10 jours d'absence au cours des 30 derniers jours, en moyenne, si vous placez un jour d'enquête n'importe quand sur les 30 derniers jours, il a moins de chances d'être présent et interrogé que quelqu'un qui déclare ne jamais être absent et qui effectivement n'est jamais absent. Donc je vais me servir de ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que les sécheurs le jour J ou les absents le jour J soient remplacés par des répondants le jour J, mais qui ont un profil similaire, c'est-à-dire en fonction du nombre de jours de sèche ou d'absence déclarés par les présents. Donc, en gros, les sécheurs avérés, je les remplace par des gens qui sont de temps en temps des sécheurs. Et au prorata du nombre de jours de sèche déclarés. Et les absents de la même façon. Voilà. Je le fais par sexe parce que les corrélations ne sont pas tout à fait les mêmes, enfin bon, ça ne change pas grand chose. Mais c'est surtout parce que le sexe, c'est une variable importante dans les usages de drogue, c'est très clivant. Donc, voilà. Donc après, on peut faire ce truc-là à trois niveaux, au niveau de la classe, au niveau de la strate, c'est-à-dire d'un croisement filière et puis établissement, type de secteur, privé-public par exemple, ou alors sur l'ensemble. Je peux représenter n'importe quel sécheur de l'ensemble des répondants, hein, enfin plutôt des enquêtés, par n'importe quel sécheur, enfin présent mais rapportant l'historique de sèche parmi tout. Voilà. Donc ça fait une petite formule, c'est une règle 3. Hein. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Si on le fait autour de... Alors je vous montre au niveau de la strate parce que c'est ce qui est le plus intéressant finalement. Donc voilà ce qu'on a dans le... Si on calme l'enquête de façon directe. Pour le tabagisme, on a 60% de prévalence, enfin de gens qui disent avoir déjà fumé du tabac au moins une fois au cours de leur vie. Si on recale, enfin je fais cette correction, où je repondère les absents, enfin les présents pour qui représentent les absents, bah ça augmente d'un point pour le tabagisme au cours de la vie, 1,4 points pour le quotidien. Alors 1,2 points pour les 60%, ça ne représente rien du tout. Par contre, 1,4 mois pour les 22,6, on commence à s'approcher de quelque chose qui est un peu important. Et si vous regardez pour l'alcool, on trouve absolument aucun lien, ça ne change rien. Hein. La différence ici, là, elle est nulle. Mais c'est ce qu'on voyait aussi, parce qu'il n'y a pas de corrélation entre les historiques d'absence et les usages. Par contre, pour le cannabis, on a des choses qui sont assez fortes. On est à 1,5% pour l'expérimentation au cours de la vie, 1,2% pour le mois et 0,8% pour l'usage régulier. Alors 0,8%, c'est pas beaucoup, mais c'est à mettre en rapport des 7,8% ici. Donc c'est quand même pas rien, quoi. On est à un peu plus de 10%. Voilà. Donc ce que ça veut dire, c'est que... alors ça, c'est une correction que je fais où je tiens pas compte des types d'absence déclarées. Je prends tous les absents de jour J et je les représente par des présents au prorata de leur nombre de jours d'absence déclarés, quel que soit le nombre de jours d'absence. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et je peux me permettre de faire ça parce qu'il y a une corrélation très forte entre le nombre de jours de sèche déclarés par les répondants et le nombre total de jours d'absence déclarés par les répondants. Et là, je représente les sécheurs le jour J par des sécheurs présents et les absents le jour J non sécheurs par des absents non sécheurs. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je distingue les deux types d'absence. Ça ne change rien, en fait. Voilà. Ça ne change rien, donc... Bon, je m'en doutais un peu, parce que la corrélation entre le nombre de jours de sèche déclarés et le nombre de jours d'absence est assez forte. On a un coefficient de corrélation de 0,68. Donc, bon, c'était logique que ça ne change pas grand-chose. Mais il fallait vérifier, hein. On ne sait pas trop. Et donc, voilà. Donc, ce que ça montre, voilà, à la classe, ça fait un peu moins comme correction, mais voilà. Donc ce que ça montre, c'est que voilà, là on a un exemple, alors c'est un peu particulier en termes de paradonnée, mais ça illustre bien le problème. C'est-à-dire que en gros, là ce qui ferait office de paradonnée, mais qui n'en est pas, ce serait l'historique d'absence déclaré par les jeunes. Ça, ce serait si jamais l'enquête elle avait fait plusieurs tentatives, et ben en fait on se serait rendu compte que les gens qui sèchent souvent, ben, on les a pas souvent, puisqu'ils sèchent souvent. Vous voyez ce que je veux dire, si on avait fait l'enquête tous les jours, et ben si donc l'enquêteur qui vient normalement une fois en classe, il venait tous les jours pour compter les aides, il verrait bien qu'il y en a certains qui manquent de façon régulière. Voilà. Ça, ce serait l'hypothèse, enfin ce serait la paradonnée. Moi, je l'ai, d'une certaine façon, là, elle est intégrée dans le recueil. Et puis là, mes vraies paradonnées sont plutôt le descriptif des absents le jour J. Mais bon, voilà. Ça, c'était pour vous montrer qu'on peut. On peut utiliser ce truc, voilà, que ça peut fonctionner pour les enquêtes scolaires, mais on peut imaginer aussi que ça puisse fonctionner dans d'autres cas, par exemple des enquêtes sur les déplacements et la mobilité. L'enquêteur vient, on fait un tirage au sort, l'INSEE fait un tirage au sort, l'enquêteur se déplace au logement, et il arrive et puis les personnes ne sont pas là. Si l'enquêteur il arrive à savoir que la personne qui voulait enquêter, parce qu'on tire le logement puis ensuite on tire les individus. Si l'individu qui cherche à enquêter n'est pas là et que les gens de son ménage lui disent « Ouais, mais il n'est pas là, mais c'est parce qu'il est en déplacement professionnel. » Et il ne sera pas là pendant la durée de l'enquête. C'est l'analogue de ce qu'a obtenu l'enquêteur dans l'enquête scolaire lorsqu'il faisait l'appel, d'une certaine façon. Il sait que ce ménage-là, il n'est pas là pour des raisons de sèche. Et donc là, c'est pas une raison de sèche, c'est une raison qui est directement liée au sujet de l'enquête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, il faut mieux remplacer cette personne absente par des personnes présentes qui déclarent un fort historique de déplacement professionnel. Puisqu'il y a de bonnes chances que ça compense mieux les choses que de le faire en aveugle, en fait. Voilà. Voilà l'idée du truc. Donc ça, c'était pour vous donner quelque chose de... Alors, c'est légèrement à côté de la plaque, puisque vous avez vu, les paradonnées, en fait, là, je les récolte dans l'enquête. Mais c'est l'analogue en fait de ce que je vais vous montrer maintenant pour une enquête téléphonique. Voilà. Mais l'idée c'est ça, c'est un cas où en fait on va pouvoir servir des paradonnées pour redresser le truc. Là, c'est ok celui-là. Ouais, je vais vous montrer celui-là. Donc une enquête téléphonique de l'INSEE. Ça, c'est une slide qui vous rappelle qu'on peut faire un calage direct, c'est ce que je vous expliquais. On prend les variables, les totaux dans la population, on prend les pourcentages, on fait ça. Voilà, on peut faire en deux étapes, on fait une correction de la non-réponse totale. C'est ce que je vous ai illustré avec l'exemple scolaire où on répondait à les gens avant de faire un calage. Voilà. Et il vaut mieux faire en deux temps. Alors, les types de paradonnées, moi, que je vais utiliser là, ça va être en fait des historiques d'appels. Alors, voilà. Alors, les paradonnées. Donc, ce sera le nombre d'appels. Donc là, l'idée de cette enquête, c'est très simple. C'est l'INSEE interroge chaque mois par téléphone, ce qui est assez inhabituel pour l'INSEE, mais bon, ça dure depuis 87, donc ça fait longtemps. À peu près 1600 ménages. Voilà. Sur la conjoncture économique, l'opinion sur ce qui s'est passé, la sensation de ce qui va se passer dans le futur. Et voilà, et c'est, en fait, c'est le moral des ménages qui sort de ce truc-là. Et donc, les gens sont interrogés trois fois de suite, trois mois durant. Voilà. Et donc là, il y a des gens, on arrive à les avoir tout de suite. Hein, donc, le stéréotype, bah, c'est... La maîtresse de maison inactive de 50 ans et plus, hein, donc on l'appelle, bah, elle décroche. En fait, c'est de moins en moins vrai, la personne décroche le téléphone presque. N'empêche que voilà, et donc on a des gens qu'on arrive à interroger tout de suite dans l'enquête, et puis d'autres, il faut vraiment pousser le truc. Alors, l'INSEE ne recueille pas un nombre délirant de paradonnées pour les historiques de contact. Voilà, le nombre d'appels qui va jusqu'à 20, mais ça ne dépasse pas 20. Ouais, ils ne font pas de zèle, les enquêteurs de l'INSEE. Et on a, sur les 5 premiers appels, on a juste le nombre de refus et de raccroches, voilà, et le nombre de non-contacts, c'est-à-dire le nombre d'appels qui sont dans le vide. Après, il y a une lettre de relance pour les impossibles à joindre et une lettre de relance pour les refus. On essaye quand même de convaincre le refus de participer. Voilà. Donc ça, ce sont des paradonnées, parce qu'au sens propre, c'est vraiment, indépendamment de tout recueil de données sur la thématique du moral des ménages, de la conjoncture, bah, c'est comment on décrit l'effort qu'on a déployé pour essayer d'interroger les gens. Voilà, et on a, alors ça, c'est ces petites lettres-là, CEA, CF, tout ça, là, c'est les... comment dire, ce sont les abréviations des variables, des 10 variables d'intérêt qui permettent de suivre le moral des ménages dans son enquête. Alors, je ne vous décris pas ce que c'est assez sommaire, mais, donc je ne vous en parle pas, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc là, c'est un, donc ce sont les variables Y, hein, que l'INSEE utilise. Et voilà, donc là, j'ai à la fois des données qui viennent, ici, là, ces deux-là, ça vient de, ça fait un truc bizarre, ça vient en fait de la base de sondage, le revenu fiscal et le décide de revenu fiscal, et tout le reste, là, ici, nombre d'appels, taille U, enfin, appel taille U, le nombre de refus, nombre de contacts et le nombre de refus raccroches, ce sont des paradonnées. Donc là, dans mon cas, là, les variables de revenus fiscaux sont très liées, enfin très liées, relativement liées, disons, à des variables d'intérêt. C'est ce que j'ai mis en gras, là, ou en grisé. Et puis la taille d'unité urbaine, vaguement un petit peu. Par contre, les nombres de refus, les nombres de contacts, les nombres de refus, machin, les nombres d'appels, une corrélation linéaire à zéro. Donc c'est pas grand-chose. Voilà. Par contre. Alors ça c'était ouais, pour les si je les considère, j'ai d'autres paradonnées. J'ai le est-ce que la personne a été interrogée sur un téléphone mobile ou sur un téléphone fixe? Voilà. Donc ça on voit que ça joue un peu, donc c'est une autre mesure ici, hein, mais on voit que ça joue. Est-ce que le numéro il venait de la base de la base fiscale? Est-ce que c'est un numéro qu'on a récupéré dans les fichiers des impôts où les gens disaient si vous voulez me joindre, vous pouvez me joindre, ça paraît. Ou est-ce que c'était un numéro qui était ailleurs? Donc ça c'est l'échantillon, et voilà, on voit que là, les types de téléphone, l'échantillon donc, avec les données fiscales ou pas, c'est, ça joue un peu, il y a des liens. Donc voilà, donc après moi je me sers de ces analyses pour essayer de voir les paradonnées et les variables auxiliaires qui sont liées à mes variables Y, celles qui sont susceptibles de m'intéresser pour le redressement. Et puis on peut montrer assez facilement que ces paradonnées, le nombre d'appels, les types de numéros, etc., bah, c'est lié à la non-réponse. Hein. Les gens qui sont interrogés sur mobile, ils répondent plus que ceux qui sont interrogés sur fixe. Plus le nombre d'appels augmente, moins la participation est fréquente. Donc forcément, on arrive sur des ménages où il y a le citron impossible à joindre. Voilà. Donc ouais, là, c'est une autre mesure de lien là, pour lier à la réponse à l'enquête. Donc là, on voit bien que, à part le téléphone mobile obtenu dans la TH, c'est pas lié, mais par contre, le téléphone fixe, oui, l'échantillon, ça y est, le nombre de non-contacts, le nombre de refus, tout ça, c'est lié. Donc ça, c'est assez logique, puisque les paradonnées, l'historique de contact décrit les efforts pour rejoindre les gens, donc forcément, c'est lié au résultat. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais, du coup, je peux modéliser ça, puisque j'ai ces historiques de contact pour tout le monde, les répondants comme les non-répondants, et éventuellement derrière, une participation. Donc là, je peux modéliser la participation à l'enquête, c'est-à-dire l'analogue de ma présence dans l'enquête scolaire, hein, c'est ça. Et je le fais en utilisant mes paradonnées et puis mes variables auxiliaires. Et après, je vais caler l'enquête, comme on le fait toujours, c'est-à-dire faire en sorte que la proportion de cas, de jeunes, de vieux, soit celle de la population de référence, c'est-à-dire le recensement. Donc je fais en deux étapes. Et là, l'idée, c'est est-ce que utiliser ces paradonnées et ces variables auxiliaires, ça améliore le redressement? Est-ce que ça change les mesures par rapport au redressement au calage en une seule étape qui est pratiqué ordinairement par l'INSEE? Parce qu'ordinairement, on ne regarde pas ces paradonnées, ni même ces variables auxiliaires. Ce qui est assez incroyable. Voilà, et donc, voilà ce que ça. Bon, ça, c'est les coefficients de variation, on va dire qu'on s'en fiche. C'est pas très important aujourd'hui. Voilà, donc là, vous avez le calage direct. Donc là, vous avez les moyennes, enfin les pourcentages de modalité 1, mais peu importe, pour chacune de ces 10 variables Y, là, dont je ne peux pas vous donner le nom parce que j'ai déjà oublié, tellement c'est intéressant. Et voilà, donc là, par exemple, pour la variable NVP, c'est 8,5% avec le redressement classique. Quand je redresse, je fais que une correction de la non-réponse totale avec les variables auxiliaires, donc sans les paradonnées, je suis à 8,4, ça ne change rien. Quand je mets les paradonnées plus les variables auxiliaires, enfin non, que les paradonnées, pardon, je suis à 8,5, ça change quasiment rien. Et quand je fais le redressement complet, j'utilise à la fois les variables auxiliaires et les paradonnées, je suis à 8,3. Donc là, vous voyez, ça, pour cette variable-là, que je redresse avec les variables auxiliaires avant le calage, ou avec les paradonnées avant le calage, donc je mets les deux dans le calage, ça change rien. Deuxième variable, 19,6, 19,6, 19,9, 19,7, c'est vraiment minable. Et en fait, ça ne bouge jamais, à part vaguement ici, là. Pour ces deux variables-là, CEA et CEF, je crois que c'est les intentions d'achat de gros matériel ménager, genre frigo, tout ça. Je crois que c'est ça. Et là, il y a vaguement un petit mouvement, vous voyez, c'est un écart par rapport au calage direct, moins 1,4%. Donc, ça change rien. Donc là, bilan, aucun effet. Hein, voilà, c'est... Alors, donc là, c'est un exemple patent d'un truc où ça foire complètement et c'est vraiment pas la peine de s'intéresser aux paradonnées. Ni même aux variables auxiliaires d'ailleurs. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus étonnant. Alors, ce que c'est vrai, hein, j'ai vraiment contrôlé ce truc-là, c'est une enquête absolument extraordinaire parce qu'en fait, sa caractéristique, après, j'ai regardé, vous redressez l'enquête ou vous ne la redressez pas, d'ailleurs, vous calez ou vous ne vous calez pas, vous prenez le chiffre brut, vous avez le même résultat. Donc là, c'est un cas d'école, je ne sais pas, enfin, c'est extrêmement surprenant, mais cette enquête-là, voilà, vous pouvez utiliser les chiffres comme on le faisait avant, c'est-à-dire sans se poser aucune question, vous faites la moyenne, c'est bon. Quoi. Enfin, vous aurez peut-être une différence d'1% par rapport aux chiffres que sort l'INSEE, mais voilà, c'est vrai. Donc c'est un truc assez fou, et là, les paradonnées ne servent à rien. Mais voilà, il y a des cas où c'est plus important et on peut s'appuyer dessus. Donc l'exemple scolaire, hein, on est un bon, même s'il est un petit peu étrange parce qu'il est à la marge en fait de la problématique des paradonnées. Il y a des exemples pour les enquêtes téléphoniques, je ne vous présenterai pas, où là on sait que le nombre de tentatives d'appel est lié fortement aux variables Y, beaucoup plus que dans le cadre de cadre. Cette enquête téléphonique INSEE bizarre là. Donc par exemple, un truc tout bête, pour revenir toujours au tabac, et ben si vous faites une enquête téléphonique comme le baromètre santé de Santé Publique France, le nombre d'appels avant d'avoir un questionnaire est lié de façon positive à la proportion de fumeurs. Alors, les gens que vous avez au bout de 30 ou même 20 appels, ils fument beaucoup plus que ceux que vous avez avant. Voilà. Alors vous dites, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait de ça, etc. Ça veut dire que potentiellement, si on dispose de peu de variables pour redresser l'enquête, envisager d'utiliser la difficulté à contacter les gens, ça peut être utile. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on peut faire l'hypothèse, avec quelques limites, hein, mais quelques hypothèses additionnelles, que les gens qu'on a, par exemple, à partir de 20 appels, ils représenteraient tous ceux qui n'ont pas répondu au-delà de 20 appels. Et donc il vaut mieux faire ça que de faire en sorte que des répondants lambda, et notamment des gens qui ont répondu tout de suite dans un redressement classique, ils vont représenter ces non-répondants tardifs là. Mais pourtant, comme on voit qu'il y a un lien fort entre le nombre d'appels et la proportion de fumeurs, on voit bien que ce redressement il n'est pas très bon. Il ne va pas dans le bon sens. Donc ce qu'on pourrait envisager de faire, c'est faire en sorte que les répondants tardifs représentent les non-répondants tardif, si j'ose dire. Voilà. Et ensuite, faire le calage comme dans l'enquête scolaire ou dans CAMS, et ensuite redresser les totaux ou les pourcentages de cadres, de diplômés, etc., avec le recensement de la population. Voilà. Et si on fait ça, là, effectivement, ça change les choses, et donc la proportion de fumeurs augmente de façon naturelle. Voilà. Alors, dans le cadre du baromètre santé, on ne fait pas ça pour l'instant, parce qu'en fait, il n'y a pas de base de sondage dans cette enquête. Et donc, quand on a quelqu'un qui répond au 20e appel, c'est difficile de dire qu'il représente les numéros qui n'ont pas répondu à 20 appels et plus. Pourquoi ? Parce que dans ce gros tas de numéros qui ne répond pas, il y a des numéros de box qui tombent dans le vide, parce que les gens ne savent pas, et puis voilà, donc ça, de toute façon ça ne répondra jamais. Voilà. Et donc c'est des numéros qui ne servent pas à joindre les gens. On tombe sur des commandes de vol électrique, parce qu'il y a de la domotique, et il faut savoir qu'il y a à peu près 100 millions de lignes mobiles ouvertes en France, dont à peu près 15 ou 20 millions qui sont du business to business, du machine to machine. Et vous pouvez les appeler. Hein. Alors c'est compliqué de discuter avec une commande de vol électrique, mais voilà. Donc quand ça répond pas, on ne sait pas s'il y a ça, vous voyez ce que je veux dire. Mais si on a une base de sondage, comme CAM par exemple, les numéros de téléphone dans CAM, ils viennent des fichiers fiscaux ou de l'annuaire. Et on sait que les numéros qu'on va appeler, enfin que les ménages qu'on appelle, ce sont des vrais ménages qui sont dans la bonne tranche d'âge. Ce n'est pas des volets roulants, parce qu'ils sont dans les fichiers fiscaux, ces ménages. Donc là, on peut envisager de dire, bah, ceux qu'on n'a pas eu à 10 appels, eh ben, ils vont être représentés par ceux qu'on a à 10 appels. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est le prochain travail que je veux faire. Mais voilà, donc là, une correction classique de la non-réponse totale, là, ça ne marche pas. Mais si on envisage une repondération plus particulière, ça peut fonctionner un peu mieux. Voilà. Donc, voilà les paradonnées, à quoi ça sert. Donc, ça sert à faire de l'appurement. Donc, dans l'exemple de l'enquête scolaire, je vous ai dit qu'on avait viré à peu près 178 questionnaires parce qu'ils étaient pourris. Bah, c'est en fait un examen des questions. On ne s'intéresse pas au Y des questions, mais par exemple au nombre de ratures, au nombre de trucs systématiques, etc. À la vitesse de complétion, si l'élève il a fait tchit-tchit-tchit, il a refermé, on sait que c'est pas bon. Quoi. Voilà. Donc, ça, ce sont des paradonnées sur le questionnaire. Ensuite, on a les paradonnées historiques de collecte, de contact, et qui là peuvent être utilisées pour, dans certains cas, faire des hypothèses sur les redressements à opérer et voir opérer des redressements. Voilà à quoi ça sert en fait les paradonnées en général. Alors il y a eu, comme je vous le disais en introduction, il y a Jaraka, une grosse flambée d'études au milieu des années 2005-2008 à peu près, sur un certain nombre d'enquêtes, comme l'enquête sociale européenne, ce chose-là, et puis en fait finalement les gens ne s'en servent pas. Ils s'en servent pas parce qu'ils sont frileux, parce que c'est compliqué. Comme dans le cas du baromètre, c'est un peu compliqué de se dire qu'on va représenter des volets roulants par des gens qui répondent. Hein. Donc voilà, il faut avoir un truc qui permette de bien qualifier en fait le champ. Il faut que les numéros ou les adresses qu'on veut représenter soient vraiment dans le champ. Ça, c'est pas toujours facile. Mais ce qui est prometteur, par exemple, bah, c'est de faire l'analogue de l'enquête scolaire pour les enquêtes mobilité et déplacement. Ça, c'est sûr que ça va marcher. Voilà. On peut envisager de le faire pour d'autres choses comme ça. Donc, les seuls critères qu'il faut vérifier pour utiliser des paradonnées, outre son bon sens pour savoir si les fiches adresses ou les numéros qu'on veut représenter sont dans le champ ou pas, c'est le fait que vos paradonnées doivent être liées aux variables Y. Si elles sont modérément liées, ça ne sert à rien de le faire. En dessous d'un coefficient de corrélation de 0,20 à 0,25, ça ne sert à rien. Il faut vérifier qu'elles sont liées à la réponse. Bon, ça, normalement, ça l'est toujours. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur les paradonnées. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade ? Bien. Alain Trognon, ancien de l'INSEE. J'ai transformé l'enquête intention d'achat en enquête CAM il y a je ne sais plus combien d'années. Alors je vais vous embêter sur la panélisation de l'enquête CAM. Est-ce que vous avez regardé un peu la possibilité de vous servir de cela pour le redressement? Alors oui, c'est envisageable. J'en ai pas parlé, mais dans les enquêtes longitudinales, effectivement, les paradonnées peuvent être utiles. Et par exemple, dans le panel Ellipse, qu'ici un certain nombre de personnes connaissent bien, l'historique de participation est prédicteur de la participation future à une enquête qui se présente. Voilà. Plus les gens participent, plus ils participent, moins ils participent, moins ils ont toujours de participer. Donc voilà. Donc là, il y a aussi un phénomène de paradonnées qui se collecte au fil du temps, d'enquête en enquête. Et ça peut être utilisé pour prédire la participation et donc redresser le panel, c'est sûr. Dans le cas de CAM, effectivement, j'ai passé ça sous silence dans la présentation. C'est un panel sur 3 mois, les ménages, les mêmes personnes sont interrogées 3 fois de suite. Là, moi, je m'en suis pas servi. Donc voilà, parce que j'ai pas eu le temps de le faire. C'est effectivement quelque chose qu'on va faire, notamment parce que dans 15 jours je vais m'occuper de cette enquête, donc voilà, je vais regarder. Mais voilà, c'est encore quelque chose à utiliser. Donc, parce qu'en fait, être répondant dans une réinterrogation, c'est quand même une chose que d'être répondant en première instance. Et effectivement, on pourrait envisager de se servir de ça. Mais, normalement, il n'y a pas. Ça ne fait que décliner hein, dans le panel. Dans Ellipse, c'est pas le cas, parce que les gens peuvent participer et ne pas participer. Bon, s'ils exagèrent trop, ils dégagent. Mais dans CAM, s'ils n'ont pas participé la première fois, ils ne participent pas après. Donc il n'y a que de la perte. Donc là, l'intérêt est peut-être un peu plus modéré, mais effectivement, il faut regarder quand même. Ouais. Ah, d'accord. Excuse-moi, Guillaume. Mais du coup, sur ce que tu disais sur Ellipse, effectivement, là, moi, je suis en train de... Justement, j'y travaille, ceux qui ne me connaissent pas, je suis sur le suivi des panélistes. Donc, depuis 5 ans, on a mis tout en place, en fait, des méthodes et des protocoles pour suivre les panélistes. Et au final, on a un intranet qui nous permet de saisir, où nous, on saisit toutes les données de contact. Sur certains panélistes sont là depuis décembre 2012, donc ils sont encore ici. Et donc, en fait, toutes ces données de contact sont notées dans une base de données. Bon, alors c'est très fouillis et c'est toutes les personnes qui sont succédées ont noté un peu à leur façon. Mais est-ce que ça, toutes ces données de contact peuvent devenir justement des paradonnées si on les nettoie en fait ? Ce sont des paradonnées. Alors moi, quand j'ai travaillé sur les pilotes. J'avais présenté au colloque sondage et puis au colloque de l'ESRA il y a quelques années l'analyse du pilote donc de fin 2012 hein, jusqu'à début de fin 2015 sur les 36 premières enquêtes, l'analyse de l'attrition, donc c'est le fait de sortir du panel, et puis la participation à chacune des enquêtes. Et effectivement, là, l'historique, moi j'ai utilisé des choses un peu simples, mais pas l'historique complet hein, des participations, parce que c'est un peu trop mécanique comme lien. Voilà. Mais par contre, on peut modéliser la participation ou l'attrition en fonction de l'historique passé, l'historique simple, par exemple, de non-participation successive. Voilà. Et ça, du coup, ça permet, c'est des données qui sont plus fortes que l'âge, le sexe, le diplôme, qui sont utilisés pour redresser l'échantillon. C'est certain. C'est beaucoup plus lié à la participation, à l'historique de participation, pour le dire vite, que le sexe, l'âge, le diplôme. Par conséquent, on peut envisager, si ces données-là sont l'historique est lié aux variables d'intérêt de l'enquête, c'est ça qu'il faut vérifier. À ce moment-là, on peut envisager de redresser en 2 temps le panel, prédire l'attrition, se servir de ça pour redresser une première fois et ensuite faire le calage pour faire un redressement de temps. La difficulté d'Ellipse, c'est que il faut vérifier, et sur quelle variable vérifier, que les variables cibles, les variables Y, sont liées à l'historique de participation, en fait, qui serait l'ensemble de paradonnées. Et ça, c'est compliqué parce que, enfin, de mémoire en tout cas, c'est disjoint. On a des données méthodo pour faire la pondération. Et on n'a pas les données d'enquête. Donc moi, j'ai jamais pu vérifier, par exemple, que l'historique de participation était liée à des variables d'intérêt particulier. Donc si, par exemple, je n'utilise que des données, des paradonnées qui sont liées à la participation à l'enquête, mais qu'il n'y a pas de lien, un lien très très faible avec les variables Y, je vais pouvoir repondérer mon enquête, hein, ça c'est sûr. Ce que je vais faire, c'est que je vais exploser la dispersion des poids. Et donc je vais redire, toi t'es bizarre, tu vas peser très très loin. Mais en fait, cette personne-là, elle répond exactement comme les autres sur les variables Y. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours obtenir la même proportion des Y au final, hein, avec ma repondération. Par contre, je vais avoir une variance de poids très grande. Et une variance de poids, ça veut dire un manque de précision. C'est mécanique. Donc du coup, si on fait un redressement avec les paradonnées, qui ne sont liés qu'à la réponse à l'enquête, à la participation, c'est très mauvais en fait. il vaut mieux pas le faire. On aura les bons totaux au final, hein, d'âge, de diplôme, de PCS et tout ça, mais ce ne sera pas les bonnes personnes qui jouent, les bonnes places, si je veux dire, dans ce classement, et du coup, on dégrade totalement la précision de l'enquête. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il faut vraiment lire que ce soit... C'est toujours lié à la participation, l'historique de participation, c'est lié à la participation, c'est sûrement assuré. Par contre, il faut que ce soit lié au Y. Et ça, c'est, je dirais, un peu casse-gueule dans le cas d'X, parce que c'est très multithématique. Donc, voilà. J'ai pas de questions. Ouais. Je suis désolé, j'étais un petit peu long. Je vais t'arriver à me débrouiller là. Oui, remerciant les organisateurs de m'avoir invité. J'espère qu'ils ne regretteront pas leur choix après la présentation. Je vais effectivement parler d'une autre acception du terme paradonné, plus expérimental, peut-être moins stabilisé en l'occurrence, puisque ça va porter sur des données qualitatives. Hein. On va voir comment, par des outils de décompte, hein, c'est pas tout à fait une approche qualitative en l'occurrence, mais par des outils de décompte, on peut approcher là aussi les conditions d'obtention d'un discours. Mais sur une base qualitative. Alors je vais rapidement un peu expliquer là aussi d'où je parle. Donc je suis effectivement sociologue à l'université de Tours, tout ça s'affiche sur le PowerPoint. Je vais vous parler en fait d'un aspect assez annexe de mes travaux. Moi je suis sociologue du travail et des professions plutôt, et ce dont je vais vous parler, c'est de certains développements d'un logiciel que j'ai été amené à développer dans le cadre d'un post-doctorat d'abord, puis que j'ai continué à développer sur les 10 dernières années, qui est le logiciel Sonal, qui est un logiciel d'analyse d'enquête qualitative, hein, et qui propose voilà, des fonctionnalités dont on va parler, qui permettent d'approcher, d'essayer d'objectiver un petit peu les conditions de réalisation des entretiens et les effets potentiels eh bien, de l'enquêteur, du sujet, des conditions générales. Voilà, ça renvoie un petit peu à cette idée de paradonné. Alors je vais commencer par un constat, on le sait très bien, hein. Je me réfère à ce que note Bourdieu dans la conclusion de La misère du monde. Il dit tiens, c'est étonnant, quand on lit les entretiens, on voit bien qu'il y a une différence, on le sent, qu'il y a une différence très nette entre les entretiens qui ressemblent à des interrogatoires de police, où on est obligé d'extorquer des propos à nos répondants, et ceux où on a affaire à des gens tellement prolixes qu'il faut presque les arrêter. On sent cette différence, on la sent, on la connaît tous, elle fait partie du quotidien du sociologue qualitativiste. Mais peut-on l'objectiver? Peut-on sortir ça de la boîte? Dans ce raisonnement, je pars du principe que on a un peu tendance quand même, il faut le dire, à considérer les entretiens sociologiques comme, allez, je vais faire un peu de provocation, mais du prélèvement de données langagières hein, dans une réalité sociale, comme des carottes sédimentaires qu'on irait creuser dans la banquise pour avoir accès à de la parole sociale. Qui ne demande qu'à s'exprimer. Bon, les données sont toujours dialogiques, évidemment, il est toujours question de questions et de réponses, hein. Sauf évidemment si on enregistrait peut-être des psychanalyses lacaniennes, je ne sais pas, mais je ne suis même pas sûr que ce soit tout à fait intéressant dans une perspective sociologique. On peut voir l'interrogateur sans pédantisme comme une forme de maïeuticien, il est là pour faire accoucher le répondant de son propos. Et cette parole qui se libère sous l'effet d'une interrogation, elle est forcément prise dans des rapports sociaux. Il faut, comme d'ailleurs même dans la passation ou dans l'auto-administration d'un questionnaire, envisager comment le répondant conçoit l'enquête, conçoit la personne qu'il a face à lui, qu'est-ce qu'on en fera, quels sont les rapports de genre, de sexe entre le répondant et la personne interrogée. On va voir qu'il y a des choses assez troublantes dans certaines enquêtes. Et ce qui me frappe, c'est que c'est quand même largement une part invisibilisée du travail sociologique, quoi. On a le nombre d'entretiens réalisés, de manière générale, c'est encore une exigence qui n'est pas toujours au rendez-vous, mais on communique assez volontiers sur combien d'entretiens on a fait, on peut raconter le processus de collecte, les difficultés à pénétrer le terrain, etc. Il y a une littérature abondante là-dessus. Il y a une littérature abondante aussi sur les difficultés liées au fait d'interroger des dominants, je le dis au CVPOF, évidemment, l'entretien sociologique avec un ouvrier n'est pas la même chose qu'un entretien avec un PDG ou avec un député. Il y a des rapports de domination qui sont différents, donc la libération de la parole n'est pas la même. Bref, toutes ces dimensions existent, mais je pense qu'elles sont largement, pas cachées, mais au moins invisibilisées, parce que notamment difficiles à objectiver. On sait qu'il y a des entretiens qui marchent, on sait que c'est laborieux parfois, mais le déroulé d'un entretien est généralement peu visible dans la restitution que l'on fait à partir de matériaux qualitatifs. C'est le point de départ de mon raisonnement. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'on peut peut-être essayer d'ouvrir la boîte noire de l'entretien et essayer d'objectiver autant que possible. D'abord, est-ce que les gens parlent assez spontanément, ce que je vais appeler la prolixité, hein, est-ce qu'ils se lâchent, pour le dire simplement? Est-ce que dans le cadre d'entretiens menés par différents chercheurs dans des recherches collectives, on peut voir la trace de méthodes de travail différentes? Est-ce qu'on peut comparer les approches des différents chercheurs dans une recherche collective? Est-ce que tous les sociologues interrogent de la même manière? Est-il une standardisation de la démarche? Évidemment que non, puisque ce sont des données dialogiques qui sont dépendantes de la personne, mais on le sait, mais il faut encore se donner les moyens d'objectiver. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer dans Sonal, en fait, ce qu'on peut essayer de faire sociologiquement de la trace quantitative que vont laisser les conditions de passation de l'enquête. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces outils quantitatifs, de cette objectivation dans le cadre d'une démarche d'analyse. Alors, je procéderai en trois temps. Vous ne couperez pas une brève présentation du système, hein, comment Sonal compte les prises de parole, comment il compte les temps de parole, le nombre de mots, en gros, toutes les données dialogiques, hein, comment est-ce qu'il les décompte. Je ne vais pas vous faire l'article d'un logiciel qui est par ailleurs gratuit, hein, ce n'est pas l'objet de la présentation, mais il me semble nécessaire de bien poser ces choses-là pour que vous compreniez ce que voit et ce que ne voit pas le logiciel. On verra ensuite, à partir de trois enquêtes collectives, la variation, ce flottement qu'il y a dans les conditions de réalisation des entretiens, comment objectiver un peu ces différences de disposition à répondre, de manière de solliciter les réponses. Et puis je vous montrerai justement ce qu'on peut faire avec un corpus codé dans le logiciel pour essayer de donner un sens sociologique à ces différences statistiques qu'on observe. Donc les données, rapidement, hein, trois enquêtes conduites avec des collègues au sein de l'équipe COST du laboratoire CITER à Tours, hein, et au CET CNAM. Hein. Une enquête réunissant 6 enquêteurs qui a collecté 85 entretiens. Une enquête avec 7 enquêteurs ayant collecté 81 entretiens. Et une plus petite enquête, mais où j'ai eu un rôle plus important, où on était donc 2 enquêteurs, on a 33 entretiens. Donc ces trois enquêtes, je vais essayer de les contraster, de monter un peu en généralité à partir des observations que l'on peut retirer de chacune. Donc comme annoncé, je vais commencer par vous expliquer un peu le système, quoi, comment ça fonctionne, et le fait que je vais vous parler d'analyse quantitative des échanges. Alors c'est une manière de formuler la chose qui est un petit peu longue, un petit peu contournée, mais on serait tenté d'appeler ça de l'analyse conversationnelle. J'insiste sur le fait que ce dont je vais parler, ça n'est pas de l'analyse conversationnelle, c'est de l'analyse quantitative des échanges. C'est en gros une lecture quantitative de la dynamique des interactions en entretien enregistré et retranscrit. Okay, c'est assez important. Bon, le projet, rapidement, encore une fois, je ne vous en fais pas l'article, hein, ça a presque 10 ans. On en est à la version 2.1. Vous pouvez le télécharger donc sur le site sonal-info.com. Il est développé en Visual Basic, qui est un langage qui date de Mathusalem maintenant, ce qui fait qu'il ne fonctionne que dans un environnement Windows. Je vous présente toutes mes excuses, hein. Je l'ai souligné, mis en italique, etc. Je reçois toujours des tombereaux de mails de gens qui me demandent voilà, est-ce que ça marche sous Mac. On peut émuler un environnement Windows sous Mac, mais c'est compliqué. Que fait le logiciel? Bon, il est centré sur l'analyse des entretiens enregistrés. Vraiment, la logique va être de collecter ces bandes, ces entretiens, de les mettre dans ce qu'on va appeler un corpus, hein, de données audio, puis d'accompagner, alors seulement d'accompagner la retranscription. Il va faciliter le travail de retranscription. Il ne va pas le faire à votre place, il n'y a pas d'intelligence artificielle derrière, etc. Là aussi, pas de publicité, encore que ce ne soit pas une publicité, mais pas de publicité mensongère. Le logiciel est juste un outil d'assistance à la retranscription. Mais on va voir, parce que c'est tout le cœur de la présentation, qu'en retranscrivant, en accompagnant la retranscription, en fait, il enrichit le texte de retranscription de toute une série d'informations qui décrivent le contexte, qui parlent, à quel moment, qu'on peut assimiler à des paradonnées, en tout cas qui vont permettre de calculer des paradonnées, qui peuvent permettre d'interroger les conditions de production de la parole que l'on va analyser ensuite. Donc, on stocke ces bandes, on va les retranscrire avec tout un système donc, qui est enrichi, et puis quand on a ce corpus constitué, on peut utiliser tout un volet de système d'analyse. Je passe vite, hein, mais on peut faire plusieurs choses. Je vais seulement vous montrer un des aspects, potentiellement l'un des plus anecdotiques par ailleurs, mais qui va cadrer avec la présentation. Comment ça marche ? Donc, on commence par charger ces bandes dans un projet. Tout simplement, on va mettre la sinusoïde. Hein. Alors, elle sera dessinée ou pas en fonction des formats, du degré de compression, etc. Je vous épargne ces détails. Mais ce qui est important, c'est que on stocke la bande et on va y associer des variables descriptives, que j'appelle ici des métadonnées. Alors, acception du terme... consacré ou non, je ne sais pas. Ce sont en tout cas des données sur les données, des données sur le répondant. C'est un qui parle, ou vous pouvez mettre aussi des paradonnées, comment vous l'avez trouvé, des considérations générales sur l'entretien, bref. En tout cas, ce sont des données associées, supplémentaires, hein, que l'on va associer à ces données brutes. Donc, les données brutes sont de la bande. Ensuite, on va procéder dans le logiciel à une segmentation, c'est-à-dire que vous allez thématiser à l'écoute, en fait, plutôt en cours de retranscription, mais... on fait ça dans le sens qu'on veut, on va thématiser la bande en la chapitrant. C'est une segmentation thématique. Vous voyez ici sur l'illustration, alors on ne voit pas ma souris, c'est pas pratique, mais donc la bande du dessous, à l'étape 2, vous voyez la même bande, mais avec des blocs thématiques qui se succèdent, ce qu'on va appeler des extraits, qui sont en fait des segmentations du matériau sonore. Dans ces extraits, on va ensuite ajouter du texte, le logiciel va aider à ajouter des retranscriptions. Donc on se retrouve ensuite avec... une base de données qualitative, une base d'entretien. Alors, je ne précise pas, si vous ne voyez rien, c'est peut-être pas plus mal puisque ces données sont a priori confidentielles, mais ce que vous voyez là, c'est un corpus d'entretien. C'est le plus petit de tous. Hein. Vous voyez en fait tout le corpus avec chaque ligne représente un entretien enregistré avec toutes ces petites portions successives. Et en fait, vous ne le voyez pas, mais dans chaque cube de couleur, il y a le texte associé, la retranscription. Okay, donc quand on a ça ensuite, eh ben, c'est une approche terriblement quantitative en fait. C'est une base de données dans laquelle on va aller puiser, soit en essayant d'extraire des données thématiques, que disent les gens sur tel ou tel sujet, que disent les gens de telle ou telle catégorie socio-professionnelle, de sexe, etc. C'est vraiment, en fait c'est un peu un cheval de Troie quantitatif dans la sociologie qualitative. Hein. J'ai une formation de quantitativiste, enfin en partie, et mon idée en concevant ça, c'était quand même d'avoir une approche très méthodique des matériaux et de pouvoir procéder à toute une série de décomptes. Alors qu'est-ce qu'on va compter dans le logiciel ? Je vous montre avec du lorem, hein, ce fameux latin de cuisine qui sert à illustrer à quoi ressemble le texte sans qu'il soit porteur de sens, à quoi ressemble une retranscription dans Sonal. Donc vous avez ici un texte qui en fait va contenir toute une série d'informations métatextuelles, hein, au-delà de ce qui est dit. Vous avez deux types d'informations, enfin trois en l'occurrence, mais je ne parlerai dans la suite que de deux. Des informations chronométriques, quand est énoncé ce qui est écrit. Hein. Alors c'est tout simplement les coordonnées en secondes entre crochets, hein, c'est très très simple. Des informations d'indexation sur qui parle, avec des balises de locuteurs. Alors elles ont une fonction extrêmement importante dans le logiciel, j'y reviendrai. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend la parole, il y a cette balise, hein, vous la voyez ici, alors c'est dommage qu'on ne la voit pas, mais le question, vous voyez, vous avez un crochet chevron, question, crochet deux points, et ce qu'il y a de spécifique, c'est que quand une balise contient, elles sont paramétrables, là vous mettez vos initiales, etc., mais quand elle contient un point d'interrogation, le logiciel infère que la personne qui s'exprime est un interrogateur. Ok, donc on sait qui interroge, quand, qu'est-ce qui est dit, et qui répond, et à quel moment. Et on a donc le contenu textuel. Il y a une dernière famille d'informations qui s'appelle les formats, qui sont en fait des systèmes, ce que j'appelle une pondération qualitative, là aussi contamination de la logique quantitative dans le quali, c'est-à-dire, c'est un oxymore a priori, une pondération qualitative, mais ça consiste à dire, eh bien on va conférer plus de poids à certains énoncés. Alors c'est totalement subjectif, c'est ce que le lecteur ou le transcripteur, parce que vous gagnez à le faire en cours de retranscription en fait, considère comme potentiellement intéressant dans ce qui est dit. Qui parle, quand, et il y a une posture un peu réflexive qui consiste à dire qu'est-ce qui m'intéresse dans ce qui est dit. Voilà donc ce qu'on associe, ce qu'on ajoute à l'intérieur de ces bulles, de ces extraits dans Sonal, quand on retranscrit. Donc en fait, le matériau est doublement segmenté. Il est segmenté d'une part en extraits thématiques, c'est des chapitres. Alors vous gagnez à les faire assez larges. Hein. Voilà, ça suit le guide d'entretien en général. Si vous observez ce fameux corpus graphique, vous voyez, si vous avez travaillé d'une manière assez standardisée, vous voyez des successions assez logiques de thèmes abordés dans les entretiens en suivant le guide. Même si évidemment il y a toujours un flottement, etc. Donc le corpus, chaque entretien est segmenté en extraits, mais chaque extrait est lui-même segmenté en ce qu'on va appeler des interventions. Alors, il faut un peu de définition. Une intervention ici, hein, qui rentre donc dans l'analyse quantitative des échanges, l'intervention, c'est une prise de parole, tout simplement, hein, qui se commence avec un changement de balise de locuteur, c'est-à-dire c'est une nouvelle personne qui se met à parler, et elle se termine quand on change de locuteur. Ça veut dire que si vous ajoutez trois fois la même personne, ça reste une seule et une même intervention. Okay, ce que repère le logiciel, c'est un changement de locuteur. Alors j'ai oublié de vous préciser, mais ça a son importance, que ces balises, elles sont ajoutées, en fait, vous n'avez pas à taper crochet chevron, elles sont ajoutées automatiquement en cours de retranscription et des raccourcis. Vous tapez F1, par exemple, il va vous mettre question, il passe à la ligne, il ajoute la position chronométrique, vous tapez. Vous voyez, donc, en gros, cette indexation chronométrique et repérant aussi qui parle, elle se fait de manière semi-automatique. Vous n'avez pas de travail supplémentaire à faire. Bon. Donc, quand on a ces extraits retranscrits de cette manière, on peut donc segmenter son propos. Hein, les extraits eux-mêmes sont segmentés à un niveau inférieur en suite de questions et de réponses. Alors, pour des raisons en fait logiques, tout ce dont je vais vous parler a son intérêt mais sa fragilité qui est liée à la manière dont c'est retranscrit, j'ai décidé, là dans les versions actuelles, je ne l'avais pas fait au début, de déterminer qu'une intervention, c'est une prise de parole de plus de deux mots. Ça peut carrément se discuter. Hein. C'est-à-dire que si l'interrogateur se contente de dire « mais pourquoi ?», ça ne sera pas comptabilisé comme une question. Okay. Donc il me reste à définir une charte d'exception avec justement les questions courtes « qui, quoi, pourquoi, quand, comment » pour qu'elles ne soient pas évacuées. Mais en l'état, elles sont encore évacuées. Hein. Donc il peut y avoir en fonction du transcripteur des questions qui apparaîtront ou qui n'apparaîtront pas. Donc une invisibilisation de l'interrogateur plus ou moins forte. D'accord ? Tout ça, ça renvoie en fait à ce qu'on appelle les dimensions phatiques hein, du langage, c'est-à-dire que souvent... Est-ce que les que vous formulez pour encourager votre répondant à s'exprimer, est-ce qu'il faut les considérer comme des relances? C'est très compliqué. En l'occurrence, ce que je me devais de vous dire, c'est que ces dimensions-là sont totalement ignorées par le système. Il ne les voit pas. Pour des raisons de choix. Donc on a un discours doublement indexé, qui parle et à quel moment, et on va pouvoir décompter les interventions. Alors qu'est-ce qu'on peut quantifier dans les interventions? Il y a deux choses qui tiennent tout simplement à la manière dont sont codées les retranscriptions. D'abord, le volume lexical, le nombre de mots, en brut. Hein. Alors, on pourrait compter les caractères. Là, il y a des écoles, hein, des gens qui disent non, il faut simplement compter les caractères et diviser par 5, parce que la longueur moyenne d'un mot dans la langue française va être de 5 caractères. Bon. J'ai pas encore poussé la finesse jusque-là. Hein. C'est tout ce que je vous présente est assez expérimental. Là, je compte des mots. Les mots sont ce qui est tout simplement séparé par un espace ou une ponctuation. Bon. Donc, un volume lexical qui va être très dépendant de la retranscription. Là, je me suis même permis de mettre un point d'exclamation. Parce qu'évidemment, selon que vous retranscrivez en substance ou de manière tout à fait littérale ce qui est formulé, vous n'allez pas avoir le même volume lexical. Hein. Et là, on ouvre un problème fondamental de ce que je vous présente, hein, je ne vais pas le dissimuler, c'est que tout va dépendre de l'homogénéité du travail de retranscription. Avez-vous vous-même retranscrit tout votre corpus en suivant des règles claires? À ce moment-là, tout ça devient très utilisable. Si vous avez sous-traité une partie des retranscriptions à quelqu'un pour qui c'était une véritable corvée, qui a eu tendance à résumer le propos, hein, et que vous-même avez été très scrupuleux en mettant toutes les interjections, comme je vous le disais tout à l'heure, ensuite en mettant les hésitations. Vous voyez, j'hésite beaucoup à l'oral, évidemment, c'est la différence entre le registre écrit et le registre oral, c'est qu'on commence des phrases qu'on ne termine pas, etc. etc. Les retranscrivez-vous ou non? Eh bien, selon que vous le ferez dans tous les entretiens ou seulement dans certains, ça va évidemment biaiser énormément les statistiques. Et j'ai pas de correction magique à appliquer dessus. Bon. Sauf, évidemment, que vous pouvez mentionner parmi les métadonnées sur vos entretiens qui est le transcripteur. À ce moment-là, éventuellement, traiter tous les entretiens d'un même transcripteur. tout est possible. Bon, donc on peut étudier le volume lexical et les durées des prises de parole, d'accord ? Une intervention a ces deux caractéristiques, puisque à chaque fois qu'on commence une prise de parole, le logiciel indexe en disant qui parle et à quel moment, on peut compter des mots ou compter des durées. Et à la croisée des deux, évidemment, compter un volume lexical en fonction d'une durée, ce que je vais appeler le débit oral, le nombre de mots par minute. Qu'est-ce qu'on fait sociologiquement du débit oral ? Voilà une des choses que je vais essayer de vous montrer dans la présentation. Beaucoup de travaux sur les émotions, hein, c'est vraiment une thématique très à la mode. Est-ce qu'on pourrait pas approcher ça par le débit oral ? Ça pourrait être intéressant. Bref. Voilà donc ce que va quantifier Sonal. Voilà de manière très schématique à quoi ressemble une base de données finalement. Lui, quand il affiche ce joli tapis avec toutes ces petites bulles de couleurs, voilà ce qu'il voit. Il voit une série d'entretiens, ma première colonne, scindée en extraits. Alors les entretiens ont des caractéristiques, hein. Les extraits ont des caractéristiques, et les locuteurs ont des caractéristiques. Donc vous avez une série d'entretiens scindés en extraits qui sont eux-mêmes scindés en interventions. Donc vous vous retrouvez à l'échelon le plus bas à avoir des prises de parole qui sont des questions ou des réponses sur un thème donné, avec des mots-clés, je vous épargne tout ça, émanant d'un entretien, d'un répondant dont les caractéristiques sont par ailleurs connues. Donc chaque prise de parole est indexée de plusieurs manières. Elle a une indexation thématique, on parle d'un certain sujet, on a un type de répondant, etc., etc. Ok, donc cette base-là, ensuite, le logiciel va mouliner, c'est magie logarithmique, il va pouvoir nous faire des décomptes à la volée sur tout ce qu'on veut. Alors, il faut bien préciser ce qu'il voit et ce qu'il ne voit pas, hein, je l'ai fait, et bien vous expliquer ce dont on va parler. L'analyse quantitative des échanges, hein, dans Sonal, ça n'est pas une analyse conversationnelle, que ce soit clair. On n'est pas du tout dans une analyse fine, qualitative, de la manière dont s'agencent les échanges en face à face, les mécanismes de réparation, de préservation de la face de l'autre, etc. Pas du tout, du tout. Hein. C'est vraiment très brutal, très simple. On va faire des décomptes. On va avoir une entrée statistique. On va compter les interventions. On va compter dans ces interventions différentes choses. Qui parle le plus entre l'interrogateur et le répondant ? Et là, on a des surprises. Hein. C'est très, très intéressant. Ça, elle est là, la boîte noire. Hein. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a une énorme variation en fonction des entretiens. On va compter la longueur moyenne des interventions. Hein. Et ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant, mais qui est co-construit. Hein. Coupez-vous la parole à vos répondants ou non. D'une manière générale, on n'est pas censé le faire, mais ça arrive souvent, en fait, en entretien. Donc, l'interrogateur co-construit la longueur des interventions. Mais par contre, si la personne sèche et qu'après une réponse laconique en 10 mots, elle s'arrête, vous êtes bien obligé de relancer. Donc ça, ça va laisser une trace, statistiquement, si vous voulez. Je me suis intéressé aussi à la question du nombre de questions par minute. Hein. Voilà. L'interrogateur est-il plutôt porté, je vous le disais, au dialogue de libre association de type lacanien ou à l'interrogatoire de police ? Tout ça va laisser une trace statistique. Hein. Selon que vous posez 4, 5 questions par minute ou une toutes les 3 ou 4 minutes, on n'a pas du tout le même type d'entretien. Et on va voir que les collègues, que j'ai étudiés, hein, plus ou moins à leur insu, n'ont pas du tout les mêmes pratiques tout ce temps qu'ils sont. Et puis enfin, le débit oral. Alors on va voir, le débit oral c'est très biaisé, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais ça peut être une manière d'approcher, on va voir, des prises de parole très particulières. C'est ça l'idée. Hein. Alors, à quoi ça ressemble dans le logiciel cette analyse quantitative ? Alors la première entrée, c'est une analyse que j'appelle locale. Alors je vous ai mis l'illustration, si vous connaissez le logiciel. Ce qu'on voit en arrière-plan, là, c'est la fenêtre de retranscription et de lecture. Vous savez, dans la partie supérieure, hein, horizontalement, tout ce que vous voyez là, c'est effectivement la succession des extraits. Vous voyez ce qui est caché derrière là, la petite fenêtre cerclée de rouge. Là. Et vous avez un bouton tout à droite, je vous le montre au cas où ça vous intéresse, si jamais vous avez un corpus, qui vous permet d'arriver à une analyse locale des échanges. Cette analyse locale, donc ce qu'on a dans le cadre rouge ici, va décompter un certain nombre de choses. Alors vous voyez à gauche les questions. Donc ici c'est un entretien où il y a 257 questions, 435 réponses. Ça nous fait un peu moins de 3 questions par minute, c'est assez soutenu. La question moyenne fait 14 mots, c'est pas extrêmement long. La plus longue fait 151 mots. Voilà, et vous avez les mêmes informations pour les réponses, donc une moyenne de 22 mots par réponse. La plus longue fait 146 mots. Vous voyez que la plus longue question est plus longue que la plus longue réponse. Qui peut interroger. Des graphes vous représentent simplement en dessous, vous voyez 27, 72, la part relative des questions et des réponses. C'est là que c'est important parce qu'il y a plusieurs répondants en l'occurrence. C'est une enquête sur la prise en charge des jeunes enfants. Donc on a le père et la mère qui s'expriment. Donc on voit le répondant ici occupe donc ces fameux 27%, mais la mère prend 53% du temps restant et le père 19% Donc on a ici une expression, on voit bien, et d'ailleurs c'est vrai dans à peu près tous les entretiens, ça s'objective assez bien, que si vous parlez d'enfants, de bébés, même face à un couple, eh bien c'est plus une affaire maternelle que paternelle, ça se voit. Bon, c'est pas, il n'y avait pas besoin de programmer tout ça pour le découvrir, mais on est toujours dans l'objectivation, dans le fait de constater que ça va mieux en décomptant parfois. Donc on a cette représentation en graphique circulaire, et puis vous avez en bas des histogrammes, chaque petit histogramme représente une prise de parole. Hein, avec la couleur du locuteur. Donc vous avez la dynamique générale de l'entretien qui apparaît. Vous voyez très bien les très longs énoncés. On voit typiquement, en bas à droite, là, par exemple ici, que l'interrogateur fait une longue question à la fin. Il fait une très longue relance, il se passe quelque chose, et c'est vraisemblablement pour essayer de stimuler les réponses, de relancer un petit peu l'entretien. Donc voilà. Ce que vous voyez en rouge là, c'est la variation, c'est le ratio entre le nombre de mots des réponses et le nombre de mots des questions. Je m'intéresse à ça. C'est-à-dire, en gros, je ne veux absolument pas être normatif dans ma démarche, mais si vous parlez autant que votre répondant, vous avez un ratio de 1. Autant de mots de réponse que de mots de question. Et ce ratio va évoluer selon que la prise de parole est spontanée, etc., etc. Donc on le voit évoluer au fur et à mesure de l'entretien. Évidemment, au début, ce qu'on peut observer sur la courbe, là, c'est qu'au début, l'interrogateur s'exprime beaucoup, il pose le cadre, il intervient souvent, donc c'est logique. Et puis progressivement, ça fait 7 moyennes, hein, la moyenne n'est pas mobile, donc logiquement, progressivement, il disparaît statistiquement, enfin, il disparaît pas tout à fait, mais ça descend logiquement. Alors il y a des, je vous le dis si ça vous intéresse, il y a des taquets en bas à droite, vous pouvez peut-être voir sur l'image, qui vont permettre de restreindre cette analyse à des portions considérées de l'entretien. C'est pour tester la fameuse hypothèse de libération de la parole. Vous savez, c'est des choses qu'on apprend en cours de méthodo, c'est qu'au début des entretiens, les gens font des réponses courtes et puis que le temps passant, ils deviennent de plus en plus prolixes. Bon, là, on peut, en fait, ça ne marche pas si bien que ça, mais on peut justement s'intéresser à ces ratios seulement pour le dernier quart d'heure, la dernière demi-heure, la dernière heure d'un entretien, etc. Bon, c'est une première approche donc, qui est locale, hein, qui va consister, entretien par entretien, à étudier la dynamique des échanges. Alors, je vous épargne les choses un peu spécifiques, mais vous pouvez vous faire une représentation en animation qui va ajouter successivement chaque prise de parole. Vous allez voir évoluer le camembert, c'est vivant, c'est très amusant. Bon, je passe, c'est pas intéressant. En l'occurrence, il y a quand même un souci avec ces indicateurs, je vous le dis d'emblée, hein, c'est que, évidemment, c'est toujours le problème des statistiques, c'est que vous pouvez avoir des données globales très similaires et vous en tenir là, mais en gros, ce que je recommande, c'est de les prendre en compte tout ensemble. C'est-à-dire, j'ai pris deux entretiens ici, l'entretien de gauche et l'entretien de droite, ils viennent de la même enquête. Hein. Dans les deux, l'interrogateur s'exprime un peu moins de 20% du temps, hein, 18.3, 18.4, c'est très similaire, hein. On a à peu près les mêmes proportions. On a donc des données globales qui laissent apparaître des entretiens qui sont censés se ressembler. C'est un peu la même chose, un peu le même type de cadre, etc. Sauf qu'en fait, si vous regardez un peu plus finement, vous voyez que dans l'un, on a 100, ils font la même longueur, hein, à peu près 2 heures. Sauf que dans l'un, on a 150 questions, et dans l'autre, on en a 300. C'est-à-dire que sur une même durée, avec une même place de l'interrogateur et du répondant, vous avez deux fois plus d'échanges dans l'un que dans l'autre. Vous voyez ? Donc ça renvoie, si vous voulez, à gauche, vous avez de la pelote basque, et à droite, vous avez du ping-pong, quoi, en termes de dynamique des échanges. C'est un peu ça, c'est question longue, réponse longue, et de l'autre, question courte, réponse courte. Ces entretiens, morphologiquement, sont très différents, mais statistiquement, apparaissent, sur la base d'un seul indicateur, assez similaires. Donc voilà, il faut se méfier un petit peu aussi de ces calculs globaux. Et je m'en méfie si bien que je les généralise à la hauteur de tout le corpus, mais avec prudence. Donc ce que vous voyez là, maintenant, c'est cette même logique, hein, ces mêmes décomptes, mais appliquées à tous les entretiens, successivement. Je vous ai montré tout à l'heure un graphe avec chaque entretien représenté, avec des petits extraits, etc. Là, vous avez la même chose. Tous les entretiens sont listés, mais cette fois-ci, ce qui apparaît, c'est le nombre d'interventions, le nombre de mots de ces interventions, le pourcentage de réponses, la longueur moyenne, la longueur maximale, le ratio RQ, hein, c'est-à-dire ce fameux combien de mots de réponse par mot de question. Le nombre de questions par minute et le nombre de mots par minute. Vous avez les débits, etc. Toutes ces informations. Bon. Alors j'ai représenté graphiquement uniquement le pourcentage de réponses, même s'il est un peu trompeur, comme je viens de vous le montrer. Et on voit bien, la moyenne est figurée en rouge, et bien qu'il y a une certaine variation, une variation importante à l'intérieur d'un même corpus. Hein. Évidemment, c'est pas illogique, hein, mais ça va mieux là aussi en le constatant. On peut voir que il y a un certain flottement en fonction des entretiens. Là, le minimum est à 59% de réponse, ça veut dire que l'interrogateur occupe 40% du volume lexical, c'est pas des durées, hein, c'est 40% des mots sont retranscrits, sont prononcés par l'interrogateur. Ça fait un entretien assez laborieux quand même. C'est moi qui l'ai fait, je peux vous dire que c'était laborieux, je me souviens bien. Okay, donc on a une trace graphique sur le... dans cette interface pour constater les entretiens les plus difficiles. J'ai fait aussi un petit outil dont on verra l'utilisation sociologique potentielle plus tard, qui est en fait la projection sur un plan orthonormé de toutes les interventions. Chaque bulle que vous voyez ici est une prise de parole, c'est une intervention. En l'occurrence, c'est une réponse. Hein, parce que comme on a les questions et les réponses, je ne m'intéresse pas aux questions, là j'ai représenté les réponses. Et donc vous voyez, alors c'est redondant, hein, plus on va vers la droite en abscisse, plus les interventions sont longues. Et vous avez, plus on va vers le haut, plus le débit est élevé, en mots par minute. Vous voyez cette donnée physiologique essentielle qui est que, globalement, quand on parle très longtemps, on a du mal à le faire très vite. Hein? Bon, c'est rassurant, voilà, l'humain fléchit son débit. Mais ça va déjà poser des questions. Comment un interrogateur peut laisser parler quelqu'un très longtemps et très lentement ? C'est ça que je vais essayer de vous amener à constater, comment en fait ces outils peuvent améliorer une posture réflexive par rapport à nos données. Bon, donc cet outil-là, je vous le présenterai tout à l'heure, c'est une entrée donc représentation graphique qui va permettre de relire son corpus, non pas entretien par entretien, verticalement, comme on va le faire classiquement, mais d'entrer dans ces données, prise de parole par prise de parole, en mélangeant absolument tout avec des outils de filtrage qui vont permettre de ne pas faire n'importe quoi, mais la représentation graphique va permettre de lire autrement ces données. Bon, voilà pour donc ce que propose le logiciel, d'accord ? Donc comment il code les données et les différents calculs qu'il opère et comment il les représente graphiquement. Bon. Maintenant, je vais vous montrer dans les 10 minutes et quelques qui me restent ce qu'on en fait, hein, ce qu'on constate quand on utilise ces outils sur 3 enquêtes. Je vais aller assez vite. Hein. Alors, comment objectiver cette hétérogénéité fort belle, hein, comment durcir un peu le constat que tous les entretiens ne se passent pas de la même manière et que toutes les enquêtes ne se valent pas non plus en termes de passation, de conditions de passation. Je me suis interrogé donc à ce ratio, cette part du volume lexical, du nombre de mots retranscrits prononcés par l'interrogateur comparé à celui du répondant dans les 3 enquêtes. Dans l'enquête A, on oscille entre 53 et 90% de réponses. Mais ça veut dire qu'il y a quand même plus un entretien où 47% des retranscriptions correspondent à des questions. Ce qui est quand même énorme. Si, ou alors on a affaire à quelqu'un qui a des réponses très directes, très laconiques à toutes les questions, ou alors c'est vraiment une prise de parole laborieuse, etc. Dans l'enquête B, on passe... Là, enfin, vous voyez, les proportions sont assez similaires, avec quand même quelque chose d'assez extrême dans l'enquête B, c'est qu'on on va de 51% à 97%. C'est-à-dire qu'il y a un entretien où l'interrogateur a prononcé 3% des mots retranscrits. Ça veut dire, en gros, quelques phrases, quoi. Donc là, c'est potentiellement quasiment lacanien. Et dans l'enquête C, on oscille entre 59 et 92. Donc vous voyez qu'il y a une fourchette qui est variable, mais fort heureusement, il n'y a pas d'entretien où l'interrogateur parle plus que le répondant, mais on s'en approche parfois. Donc en utilisant ce fameux ratio RQ, hein, combien de mots de réponse par mot de question, on voit qu'on peut établir une norme dans ces 3 corpus. Hein. On flotte autour entre 4 et 6 fois plus en moyenne. Le répondant parle 4 à 6 fois plus en moyenne que l'interrogateur. Ce qui est pas mal, hein. Mais ça peut glisser entre 1, c'est-à-dire répartition à peu près équitable du temps de parole, où là vraiment on imagine que vous sortez les rames, hein. Enfin je vois pas comment ça peut se passer autrement, et 40, hein, si vous avez 97% de réponses, ça veut dire qu'il y a à peu près 40 fois plus de mots retranscrits dans les réponses que dans les questions. Donc c'est très hétérogène, on ne parle pas vraiment de la même chose entre un entretien où on est un RQ de 40 et l'autre où on est à 1. Vous voyez, c'est pas du tout la même idée. Donc le degré, j'appelle le degré de directivité des entretiens est variable, la prolixité spontanée des répondants aussi. Alors je vous ai mis aussi, hein, j'ai compté le nombre de questions par minute à l'observation. Voilà. Il y a des gens qui posent en moyenne une question toutes les 2 minutes, il y en a qui en posent 4 par minute. Ce n'est pas du tout la même approche. Bon. Ça n'induit rien sur la qualité des entretiens. Hein. Je vous montre juste comment ces outils de dénombrement posent de nouvelles questions. Si on s'intéresse maintenant à la longueur moyenne des réponses, qui n'est pas tout à fait la même dimension, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, puisqu'on pouvait avoir le même répartition des questions et des réponses, mais finalement beaucoup plus de questions et de réponses, c'est-à-dire des questions-réponses plus courtes, et bien dans le corpus A, on est à 28 mots, 46 dans le B, 72 dans le C. Le A, c'est un corpus qui traite justement d'éducation des jeunes enfants, où il y a une répartition de la parole entre mari et femme. Ça peut expliquer que les réponses soient très courtes. Il y a une sorte de partage du temps de parole, potentiellement, hein. Ou alors une moindre préparation à s'exprimer sur ces sujets qui relèvent souvent de voilà, une forme d'évidence. Ou, bon, c'est très variable. Dans le B, c'est un corpus qui traitait de la conversion au bio des agriculteurs. Et là, peut-être que le degré de préparation de l'expression est plus élevé et qu'il n'est pas étonnant que les réponses soient plus longues. Et le corpus C, ça c'est mes propres travaux, ça, c'est un corpus à destination de cadres supérieurs de la fonction publique d'État au sujet des effets de la nouvelle gestion publique sur leur carrière, etc. On voit des gens qui ont vraisemblablement une grande habitude de l'expression orale et qui donc me font des réponses particulièrement longues. Bon, c'est plutôt de l'intuition. Alors pour essayer de durcir tout ça, j'ai fait des... Le logiciel intègre un algorithme d'analyse de variance, la NOVA, qui donc va permettre d'essayer de voir si les moyennes à l'intérieur des entretiens varient de manière significative. Et donc il y a des choses qui sont assez stables et qui déroutent. Par exemple, dans l'enquête, alors qui s'appelle S, en fait c'est B, hein, j'ai mal anonymisé. Ça y est, tout est dévoilé. Je pense que ça ne change rien. Dans l'enquête S, c'est étonnant, c'est que vous ne le voyez pas là, mais en gros, la réponse moyenne des hommes fait, donc des agriculteurs, fait 54 mots, et la réponse moyenne des femmes, donc des agricultrices, ne fait que 28 mots. Et c'est statistiquement significatif. Alors là, j'ai bien évoqué un effet mystérieux, il est là, il est statistiquement significatif, mais d'où vient-il ? Alors, une réponse possible, c'est que l'essentiel des chercheurs étaient des chercheuses. Et donc là, on se retrouve dans un effet d'interaction où il faudrait caractériser parmi les variables descriptives, justement parmi les paradonnées en l'occurrence, quel est le sexe de l'enquêteur et le sexe du répondant. C'est des choses qui restent à faire, que je n'ai pas faites, mais vous voyez, en gros, ce qu'on peut, à un moment donné, quand on analyse son corpus, se poser comme question, c'est est-ce que, tiens, est-ce qu'il y a un effet de la position sociale, est-ce qu'il y a un effet du rapport de sexe, etc. etc. Tout. Le logiciel rend ça possible. Je vous donne juste un petit exemple. On peut s'interroger aussi sur les effets des thématiques. Alors les thématiques, c'est ce que Christophe Lejeune appelle un codage réflexif. Hein, là aussi, vous mettez dans le logiciel ce que vous avez envie de lui mettre. Enfin, je veux dire, il y a vraiment quelque chose de... C'est entre vous et vous-même dans l'usage que vous en faites. Hein. Donc, il ne faut pas durcir à l'excès cette information, mais vous voyez que le principe de base du logiciel, ça va quand même être de scinder en grands chapitres les prises de parole. Si vous contrôlez relativement bien ce processus, vous pouvez relativement vous fier à ce qu'il y a dedans. Alors, évidemment, ce n'est pas un outil d'administration de la preuve. Mais cependant, quand vous utilisez les différents indicateurs que je vous ai montrés sur les thèmes de l'enquête, ça marche assez bien. Et là aussi, la NOVA qui apparaît en bas est statistiquement significative. On voit bien qu'en fonction des sujets, les gens parlent plus ou moins spontanément, plus ou moins facilement. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça ? On va y revenir, mais là j'ai pris, c'est l'enquête A. Hein. Donc il y a des thèmes qui marchent, qui induisent des réponses très courtes, c'est l'arbre généalogique. Quand on interroge les gens sur que faisaient vos parents, enfin, ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour s'exprimer, mais on voit bien qu'il y a des thèmes qui appellent des réponses plus ou moins longues, spontanées, où il y a besoin de tirer les verres du nez, d'autres pas. J'aurais dû prendre un autre exemple pour illustrer ça, mais dans le corpus C, donc une enquête sur les cadres de la fonction publique de l'État et les effets de la nouvelle gestion publique sur leur parcours, tout ce qui a trait justement aux dimensions relativement polémiques du sujet, tout ce qui est susceptible de faire des vagues, induit nécessairement des réponses plutôt courtes, hein, plutôt laconiques et une nécessité de relancer souvent. Ça se voit, il y a une trace statistique significative de cette difficulté à libérer la parole. Bon, ça marche si on prend les corpus d'une manière globale, ça va marcher aussi si on s'intéresse entretien par entretien. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un même entretien, si on isole un seul entretien, on va voir là aussi une variation significative dans ces fameux indicateurs statistiques calculés sur les interventions. On voit bien qu'en fonction des sujets, là je n'ai pris qu'un seul, mais en fonction des sujets, la parole va significativement varier dans les conditions de sa production. Il va falloir poser plus de questions, on aura des réponses plus courtes, plus longues en fonction des sujets. Voilà, bon. Alors, dernier aspect de cette hétérogénéité que j'ai déjà abordé différemment, mais j'y reviens rapidement, on peut comparer, cette fois-ci plus s'intéresser à la longueur moyenne des questions, mais s'intéresser des réponses, mais à s'intéresser aux questions. Donc là, je compare, je fais un truc qui est vraiment de l'ordre... d'un dévoilement problématique dans le cadre de mon labo, mais si on s'en moque, vous connaissez personne, donc j'ai flouté, on en est là, j'ai dû flouter les noms évidemment, mais donc les différents collègues, comment enquête-t-on ? Comment interroge-t-on ? Y a-t-il une homogénéité de la pratique ? Eh bien, il est tout à fait clair que non. Alors, je n'ai pas bien calculé mon coût parce que vous ne voyez rien, mais de fait, on a dans l'enquête A deux enquêteurs qui sont proches des 30% d'intervention, qui parlent beaucoup. Alors, je suis dedans, hélas, mais je l'avoue, pas grave. Mais voilà, vous avez donc deux enquêteurs qui se signalent très clairement par leur tendance à beaucoup intervenir, à poser beaucoup de questions, à poser des questions longues. Et il y en a, la plupart des autres, hein, tournent autour de 17%, oui, 17, 5, 4, 5. On a une belle homogénéité des pratiques où là, on a des gens qui sont globalement plus en retrait. Dans le corpus B, c'est relativement clivé, mais on n'a pas les mêmes proportions. On peut observer que le maximum est à 23%, le minimum est à 11%. 11%, c'est une étudiante de master qui a été sollicitée pour réaliser le corpus. Et on peut voir qu'elle est plutôt dans la gêne et qu'elle ne se permet pas de couper les jambes beaucoup. Hein, vous voyez, on a une trace significative. Et c'est donc la variation est un peu moindre. Voilà, donc ce qu'on peut faire aussi, c'est-à-dire que vous avez un outil de réflexivité sur une enquête collective, comment ça se passe, est-ce que tout le monde travaille de la même manière, etc. Alors c'est assez désagréable hein, de se voir objectiver de la sorte dans ces pratiques d'enquête, mais c'est assez rigolo, j'ai pris un certain plaisir à le faire. Bon, qu'est-ce qu'on fait sociologiquement de tout ça, avec toutes les limites que j'ai présentées, et pour peu que vous ayez bien compris les biais potentiels induits par le mode de calcul. Alors, j'ai plutôt tendance à utiliser une approche qualitative des stats, si vous voulez, en l'occurrence, c'est-à-dire d'utiliser les données morphologiques sur les interventions, leur durée, leur débit, pour armer, si vous voulez, une approche compréhensive, strictement qualitative. C'est-à-dire, pour le dire de manière moins ampoulée, revenir aux prises de parole qui se signalent par leur spécificité dans l'ensemble, hein, pour comprendre ce qui se joue à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, avec ce système de bulles là, vous voyez, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, chaque petite bulle est une intervention. Je n'ai gardé active et visible que les bulles d'un thème donné, celui qui m'intéressait. En survolant chaque intervention, je vais pouvoir relire les prises de parole qui sont signalées donc par ces bulles. Je vous montre rapidement. Ce que je vois là, c'est une intervention qui fait presque 6 minutes ininterrompues sur la question, en gros, des difficultés morales à fermer des subdivisions territoriales par un cadre de la fonction publique d'État, du ministère de l'écologie. Bon, je passe. Il exprime quelque chose d'assez difficile à dire, voilà, et c'est cette bulle-ci. Et c'est une prise de parole particulièrement longue qui est visible immédiatement hein, sur le graphe, c'est-à-dire qu'elle se signale parce qu'elle est très longue. Et donc, pourquoi est-ce qu'il parle si longtemps? Pourquoi est-ce qu'il parle si longtemps? Est-ce qu'il avait beaucoup à dire sur le sujet? Est-ce que c'était quelque chose de particulièrement important pour lui? Ou est-ce que je m'abstiens délibérément de le couper en me disant « c'est bon, on est en plein dedans, je laisse aller », vous voyez? Et là, on se trouve face à, effectivement, la co-construction par l'interrogateur des données morphologiques sur les interventions. Hein. Si c'est long, c'est aussi que vous vous êtes abstenu de couper. Oui. Bon, alors, qu'est-ce qu'on en fait? On se méfie, mais on va voir. Hein. Donc, on peut faire une relecture sélective des interventions qui se signalent hein, par leur longueur. Pourquoi? Mais ça vaut le coup d'aller voir parce que, d'abord, une intervention longue... Alors, il y a deux sources hein, de longueur. La première, c'est la forte implication émotionnelle du répondant. À l'expérience, dans certains corpus, ce qui prend le plus de temps, c'est la narration de traumatismes dans l'enfance ou des récits particulièrement douloureux, des choses comme ça. Dans ces cas-là, vous ne coupez pas parce que ce serait malvenu. On obéit, on est des interrogateurs, on est dans une approche compréhensive, on n'est pas là pour choquer les gens, et donc évidemment, on laisse cette parole s'exprimer et on revient à ce qui nous intéresse plus spécifiquement ultérieurement. Donc ça peut exister. Mais il y a aussi un aspect important, c'est que quand vous ne coupez pas, c'est que ça vous intéresse. C'est que vous n'avez pas envie de rediriger l'entretien sur quelque chose de plus précis, etc. C'est souvent, d'ailleurs, quand vous avez une entrée thématique, ce que je vous ai montré, c'est qu'on est en plein dedans. C'est que vous vous dites, voilà, j'ai une réponse qui sera bonne à réutiliser ultérieurement, on est en plein dans le sujet. Et donc, vous pouvez laisser la personne s'exprimer parfois, vous voyez, 5, 6, 10 minutes sans intervenir, c'est énorme. Hein, dans un entretien, c'est extrêmement rare, puisque la moyenne tourne autour de 2 à 3 questions par minute. Donc, je me dis que cet outil-là peut permettre d'avoir une posture que je qualifie de réflexive, c'est-à-dire que ça décrit votre propre intérêt pour ce qui est dit. hein, puisque vous avez laissé la personne s'exprimer. D'accord ? Donc, vous voyez comment l'approche quantitative va permettre eh bien de mettre le doigt sur des choses qui sont qualitativement bonnes à relire. Hein, c'est ça l'idée. Okay. Alors, dernier aspect, qu'est-ce qu'on peut faire de l'analyse des débits, hein, puisqu'il calcule des débits et temps de parole. Je vous l'ai dit, vous avez le fait qu'il y a des sujets sur lesquels on voit que les réponses sont laconiques, où les gens sont prudents, ils vont lentement, ils ne parlent pas beaucoup, il faut les relancer beaucoup. Bon, ça. On peut aussi utiliser l'entrée par le débit oral pour se dire, tiens, il y a des sujets sur lesquels les gens s'expriment plus ou moins rapidement et plus ou moins longuement. Alors là, bon, vous ne voyez pas bien, mais vous avez en fait la... On a la moyenne générale et la moyenne du thème considéré. Et en fait, ce sujet-là va plutôt à la fois être un sujet lent et un sujet laconique. Vous voyez, on tire en bas à gauche du graphe. À l'inverse, vous avez des sujets comme celui-ci où vous voyez la moyenne là, eh bien on est au-dessus. La moyenne de débit et de longueur tire plutôt vers le haut. Hein ? C'est-à-dire qu'on voit qu'on est au-dessus, en haut à droite de la moyenne. Qu'est-ce que c'est ? Général, qu'est-ce que ça dit ? Ben, ça dit que sur le sujet, la personne s'est un peu emballée, ou en tout cas qu'elle a eu une prise de parole assez spontanée. Alors vous avez en fait toute une série de bulles, je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a des bulles qui flottent un peu en l'air au-dessus du graphe, quoi. C'est la signature statistique de, généralement, de récits, alors je parle de récits agonistiques, hein, de diatribes, hein, c'est-à-dire de prises de parole qui ne sont pas généralement adressées à l'interrogateur lui-même, mais qui relatent des affrontements, des conflits, des malentendus. On les voit très bien, ils ressortent, parce que souvent c'est long, vous avez du mal à couper, et puis on a un débit élevé. Je suis incompris dans ma boîte, etc., etc. Et vraiment, c'est la diatribe, hein, au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire la prise à partie de quelqu'un qui n'est pas présent. Et donc là, ça laisse une trace statistique assez nette. Donc on peut aussi s'intéresser, je disais un peu avec ironie, mais au répertoire des émotions finalement dans l'entretien sociologique en traduisant les émotions par cet emballement qui se signe statistiquement. Bon, j'en viens à conclure puisqu'il me reste 15 secondes. Donc on a vu rapidement que la dynamique des interventions, les taux de relance, la longueur des réponses, le ratio réponse-question varie en fonction des répondants, des sujets, de la méthode de l'interrogateur. Hein. Que d'une manière générale, tous les répondants n'étaient pas également disposés à s'exprimer en longueur, selon les contextes, hein, qui sont en face d'eux, de quoi on parle, etc. Et que ça, on le sait très bien, mais que ça s'objective, que les outils de décompte assez rudimentaires que j'ai présentés permettent au moins d'approcher une forme d'objectivation de ce phénomène. Enfin, dans un troisième temps, ce qu'on vient de voir, c'est que si on se fie à une lecture, en fait, à un chartisme, hein, c'est-à-dire à s'intéresser au graphique lui-même pour essayer de rentrer différemment dans ces données, on peut trouver des interventions qui vont être intéressantes parce que morphologiquement atypiques. Très longues sans que vous coupiez, très rapides, etc., etc. L'outil peut donc, vous voyez comment l'approche quantitative nourrit une réflexion qualitative. Bon, plus globalement, qu'est-ce que ça pose comme question ? J'ai aussi le logiciel A des algorithmes de lexicométrie, et là je pose la question, si vous donnez un algorithme, l'analyse d'un entretien qui est composé à 50% de vos propres prises de parole, qu'est-ce qu'il analyse, hein ? De fait, j'ai fait des choix, c'est-à-dire que le logiciel va proposer d'étudier ces interventions de manière lexicométrique, c'est-à-dire analyser des fréquences, analyser des fréquences relatives dans différentes sous-parties du corpus. Bon, je passe là-dessus, c'est pas l'objet de la présentation. Mais j'ai décidé d'évincer toutes les questions de l'analyse lexicale. Mais elles sont toujours là, de manière sous-jacente, et ça permet ce truc amusant, c'est le dernier petit gadget que je vous présenterai aujourd'hui, c'est un outil que j'ai appelé la spontanéité lexicale. C'est-à-dire que si vous vous intéressez à un terme prononcé par vos répondants, eh bien, le logiciel peut vous calculer sa fréquence d'apparition préalable dans vos questions. Vous voyez, typiquement, je travaillais sur le management, dans la fonction publique d'État, management, bon, est-ce que par hasard, sa trace très présente dans les entretiens ne serait pas la conséquence de ma propension à poser des questions et à utiliser moi-même ce terme ? Bon. Tout ça s'inscrit dans la réflexion hein, qui est à la base des algorithmes que je vous ai présentés. Bon. Fort heureusement pour moi, non. Là, je clique sur le terme management, je fais une analyse de spontanéité et je vois qu'il apparaît spontanément dans 31 entretiens sur 35. Voilà. Et qu'il est. Il y a 348 occurrences, dont seulement 42 dans les questions. Donc, je suis sauf. Le sujet est apparu à peu près seul, hein, sans que. Enfin, le terme en tout cas, sans que je l'utilise. Pourquoi cette petite, ce petit glissement ? Parce que vous voyez que c'est la suite logique en fait, de cette réflexion sur la co-construction des matériaux. Hein. Si vous voulez vraiment rentrer dans une analyse statistique, il faut retirer le rôle joué par l'interrogateur. Voilà. Donc l'objectiver, le contrôler, c'était l'objet de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, super. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? En fait, vous avez plus ou moins abordé le sujet, mais je voulais juste savoir pourquoi plutôt compter des mots que des durées ? On compte les deux, hein, de toute façon. Ça vient du fait que, compte tenu du système de retranscription, qui est en fait c'est un système de dictée, c'est-à-dire que le logiciel vous propose des portions successives à retranscrire, en fait, il va ajouter automatiquement la position en temps d'une prise de parole, mais il y a un flottement de plus ou moins 3 ou 4 secondes à chaque fois. Et en fait, ça peut engendrer des artefacts assez fâcheux dans le décompte des durées, c'est-à-dire que les points ne peuvent pas être tout à fait à leur bonne place. Et donc, vous pouvez parfois, pour des raisons tout simplement de méthode de retranscription, c'est un peu compliqué, mais si vous laissez la dictée aller jusqu'au bout, en fait, il revient à la base pour attendre, la position chronométrique qu'il enregistre est celle du début de la portion de dictée. Et donc, il peut minimiser l'endroit où on est de 5 secondes. Et donc, vous pouvez avoir une longue phrase qui va tenir dans, pour lui, hein, dans une demi-seconde, quoi. Vous voyez, par exemple. Et donc, ça veut dire que vous allez arriver à des débits proches de ceux que j'emploie à utiliser, hélas pour moi, en séminaire parfois, de, je sais pas, 500 mots par minute, quoi. Des trucs qui sont un peu délirants. Bon, donc j'ai une confiance très relative, en fait, hein, dans cet indicateur-là. L'idée, c'est plutôt de, voilà, les mots, au moins, même si là aussi, il y a des biais de retranscription, mais les mots, j'ai un peu plus confiance. Mais l'idée, c'est de varier les deux aussi, hein. Je ne sais pas si j'ai répondu. On se rend compte que la transcription est hyper importante. Je me demandais du coup si ça vous avait amené à mettre en place des procédures ou des standards de transcription au sein du laboratoire, si ça avait pu amener une homogénéisation des pratiques de ce point de vue-là. Bonne question. On devrait, dans l'optique d'utiliser ces outils et notamment de consolider leur fonctionnement, faire une vraie enquête standardisée. Voilà. Mais en fait, la question de la retranscription, elle est de plus en plus délicate dans le cadre de la recherche et notamment dans mon laboratoire, je ne sais pas ailleurs, mais il faut des sous. Et on fait ça d'une manière générale, c'est plutôt au compte-gouttes. Et donc, on libère un petit bout de budget, on fait faire 4-5 entretiens par une personne qui n'est plus disponible 3 mois après, à d'autres, etc., etc. Non, la seule manière de contrôler, c'est que moi, je retranscris moi-même au final. Ce qui n'est pas marrant, mais c'est une bonne manière d'appréhender ces matériaux, cela dit, mais c'est très très long, quoi. Je disais ça en particulier aussi par rapport au... Enfin, c'est ce que vous avez un peu abordé au début, c'est-à-dire le fait qu'il y a des transcriptions automatiques maintenant de plus en plus, et peut-être que l'expérience du sociologue peut être quand même bénéfique pour ce genre de choses, proposer des bonnes modalités de transcription ou des choses intéressantes. Ah, ça c'est un serpent de mer, hein, la retranscription automatique. Alors, je suis coupable involontaire, hein, de... J'entretiens malgré moi une illusion à ce sujet-là, c'est-à-dire que les gens découvrent le logiciel en se disant « Tiens, ça retranscrit tout seul, quoi. » Mais systématiquement, hein, et c'est fâcheux, parce que j'ai écrit je sais pas combien de billets de blog, c'est sur le site, etc. Il faudrait une intelligence artificielle très très intelligente pour être capable de rendre compte efficacement de données dialogiques, des coupures, entendre deux voix en même temps, voilà. Alors vous avez, je peux faire un exposé là-dessus, mais bon, Dragon, des choses comme ça, savent très bien reconnaître une voix, mais quand il y en a deux, c'est compliqué, mais quand elles se coupent, c'est encore plus compliqué. Et puis quand les personnes commencent des phrases, s'arrêtent, reprennent, et que, bon, voilà, les logiciels, ils peuvent... on est encore un peu au stade du fantasme, je pense. Alors peut-être que la NSA a des outils hyper modules, voilà, mais moi je sais pas, ils sont pas gratuits. Et je pense qu'à terme, il faudra, et c'est un vrai problème pour les sociologues, il faudra partager ces données de toute façon. Vous voyez, il faudra entraîner l'intelligence artificielle dessus. Donc nécessairement, il faudra à un moment donné donner des corpus audio, des corpus textuels pour que les mécanismes de reconnaissance s'entraînent. Voilà, bon, on fera peut-être ça pas sur des entretiens sociologiques, je pense pas. En tout cas, c'est compliqué. Sur les... Ouais, pourquoi pas, ouais. Oui, mais qu'est-ce que le dialogue de film a à voir avec l'entretien sociologique ? C'est compliqué. Mais cela dit, on pourrait utiliser ces indicateurs sur des films. Ce qu'on peut sous-titrer, en fait, avec Sonal, si je ne vous ai pas montré, mais on retranscrit de la même manière en positionnant chaque prise de parole chronométriquement, et après, il pourrait faire ses stats. Voilà. Qui a le plus de dialogue dans le film, etc. Ouais. En fait, je me demandais, est-ce que dans les transcriptions, et surtout en termes de paradonnées, comment on fait pour intégrer du coup le paraverbal ? Si j'écris « rire » dans ma transcription, ça va être compté comme un mot qui n'est pas non plus une discussion, ça va prendre en plus du temps. Est-ce que... Non, alors en fait, oui, c'est des parenthèses. Vous mettez des parenthèses, tout est évacué. Tout ce qui est entre parenthèses est représenté différemment et évacué. En supposant que dans les entretiens, les gens ne parlent pas entre parenthèses. Alors, si c'est entre parenthèses, il vaut mieux écrire entre parenthèses que mettre une parenthèse. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Donc, oui, tout ça, c'est évacué, bien sûr. Sinon, ça biaisait énormément. Ça biaise l'analyse lexicométrique aussi, hein, c'est-à-dire justement sur... sur les entretiens de l'enquête A qui avait trait à justement les modes d'accompagnement des jeunes parents vis-à-vis des enfants, etc., etc., les gens faisaient des entretiens avec des bébés. Et on avait des transcripteurs très scrupuleux qui mettaient bébé pleure, bébé pleure, toutes les deux lignes. Et donc lexicométriquement, on avait des entretiens qui parlaient de larmes, de pleurs, etc. Mais c'est, voilà, c'est la catastrophe, ne faites surtout pas d'enfants. Et en fait, c'était juste ces données-là. Donc j'ai fini par les virer, en fait. Donc des parenthèses et c'est sorti. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer une façon de les traiter, justement peut-être un outil particulier pour dire, voilà, tiens, c'est dans cet entretien, ben, par exemple, il y a des bébés qui pleurent tout le temps ou ils n'arrêtent pas de se marrer Ben alors, pas de parenthèse et une autre charte graphique, je sais pas, moi, un slash. Ou imaginez, c'est ce qu'on fait, nous, à Bicali, c'est que les transcriptions sont traitées pour avoir des balises spécifiques pour le paraverbal où on a les hésitations. Parce qu'en fait, je pense que ça, c'est surtout sur les hésitations, les silences, dans les réponses qui peuvent être très longues et qui peuvent avoir un E. Donc. Alors l'un des présupposés du logiciel, c'est que comme on garde la bande, beaucoup de dimensions paraverbales ne s'imposent plus. Mmh. Bon, voilà. Mais ça suppose une utilisation privée quelque part. Hein. Mais les corpus sont audio-textuels, c'est-à-dire que fréquemment, quand je cite quelque chose, je vais réécouter. Et ça se fait vraiment en une demi-seconde. Hein. C'est parce qu'il y a toutes les coordonnées chronométriques laissent des traces. En fait, c'est dans le texte, vous avez des petits boutons play qui se baladent partout. Vous cliquez dessus, le lecteur se relance. Vous êtes, donc, on relit très vite ce qu'on écoute et on réécoute très vite ce qu'on relit. Donc voilà, tout ça est un peu sous-dimensionné en gros. Hein, donc y a pas de, mais on pourrait imaginer une extension. Voilà. Parce que le logiciel exporte, hein, il exporte les données notamment vers Iramutec pour des analyses lexico un peu plus costaudes. On pourrait imaginer une exportation au format utilisé par Bicali, voilà, en codant tout ça, c'est pas un problème. Dans la base de données, vous présentiez il y avait des descripteurs, je pense que vous pouviez rajouter des choses, vous pouviez mettre la PCS par exemple, c'était l'exemple du répondant, mais il y avait aussi, j'ai l'impression que vous pouviez rajouter quelques variables descriptives, ça peut être aussi à cette occasion-là qu'on peut rajouter une variable de rire, oui, non, ce genre de truc, non ? Oui, mais elle permettrait de coder si dans cet entretien on a ri une fois au moins. Ou alors le nombre de rires. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Je sais pas. Oui, non, si. Ah, ouais, non, pourquoi pas. Ouais, ça peut être. Puisque vous pouvez faire ça à chaque prise de parole, si j'ai bien vu. Pratiquement, non ? Ouais. Je pense que la meilleure méthode, ce serait de prendre la retranscription et d'utiliser un outil de recherche pour comptabiliser le nombre d'occurrences du terme rire, avec la balise considérée. Voilà. Parce que durant la transcription, vous pouvez rajouter des balises, des choses comme ça. Et donc après, j'avais cru comprendre qu'on pouvait qualifier ou décrire quantitativement avec des variables, oui, non, là, en l'occurrence, ce qu'on voyait. Donc, Oui, on pourrait décrire effectivement la quantité de dimensions paraverbales. Mais c'est, en fait, les variables que je vous ai présentées, elles ont trait à l'entretien pris globalement. C'est pas juste à... Voilà. Alors, on a un système de mots-clés qui permet de qualifier l'extrait lui-même, donc on peut imaginer des trucs comme ça, mais non, globalement, effectivement, il faudrait des choses un peu plus détaillées, quoi. Voilà. Là, il y a vraiment l'idée. Tout ce qui n'est pas... tout ce qui fait pas de bruit est entre parenthèses et sort, en fait, voilà, pour pas parasiter les décomptes et toutes les analyses. Voilà. Alors, moi, j'ai une question... Est-ce que dans la construction de cet outil, est-ce que vous êtes inspiré d'autres travaux, d'autres logiciels, dans d'autres disciplines ou de choses qui ont été faites à l'étranger, par exemple, dont on n'aurait pas connaissance en France ? Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que vous avez dit que cet outil pouvait servir, enfin, c'est. permettait d'objectiver un certain nombre de choses autour de la relation d'enquête. Vous avez mentionné le fait que vous avez essayé d'objectiver des choses dans des enquêtes collectives auxquelles vous avez participé. Est-ce que c'est des choses dont vous avez déjà discuté avec vos collègues qui pourraient faire l'objet d'une publication? Est-ce que vous avez déjà réfléchi aux conséquences que ça peut avoir en termes d'une stratégie de publication, de fait de se mettre à objectiver ça dans des publications et de le montrer, en fait, de faire advenir dans des résultats et pas simplement dans le cadre de ce séminaire? Alors, sur la première question, je me suis inspiré négativement du logiciel NVivo, en fait, qui est un logiciel de codage thématique sur données textuelles que j'avais utilisé dans une recherche postdoctorale qui m'avait semblé vraiment pas pratique du tout. J'avais pas aimé ça, donc c'est en me lançant dans mon propre outil que j'ai fini par glisser. Je voulais d'abord coder du texte, puis après je me suis dit que c'était débile, qu'il fallait coder de la bande, mais c'était beaucoup plus efficace, plus rapide, c'était un préalable intéressant, et voilà, donc j'ai glissé. C'est un peu un anti-modèle. Par la suite, il faut bien avouer, je dis souvent que la créativité est l'autre nom de l'ignorance, et que si j'avais mieux connu toute l'offre logicielle, en fait, il y a une pléthore d'outils méconnus sur le marché, et même des gratuits, hein, j'aurais peut-être pas passé 10 ans à faire ce boulot, quoi. De fait, c'est parce que j'ignorais ce qui existait que j'ai un peu réinventé la roue à plein de moments. Bon, donc, il est construit un peu contre certains outils que je trouvais pas pratiques, mais en ignorant beaucoup de choses déjà existantes, quoi. Faut être honnête. Donc ça donne une espèce de... C'est un peu le palais du facteur cheval, quoi. Ça donne un truc construit au fur et à mesure de mes besoins. C'est un peu baroque par endroit. Ça marche plus ou moins bien. C'est, voilà. Au moins, bon, j'ai la main dessus et je peux bricoler. C'est ça qui est bien. Mais je pense qu'avec le recul, c'était peut-être une erreur. Bref. Sur la deuxième question, on a discuté à partir de ces données. J'ai présenté ça en séminaire de labo, évidemment, pour le plaisir. Les gens se justifient assez volontiers. Un des collègues qui, comme moi, était caractérisé par le fait d'être beaucoup trop loquace et expliquait que lui avait tendance à beaucoup raconter de lui-même dans les entretiens avant de solliciter les autres, qu'il y voyait une forme d'échange légitime, qu'il n'était pas un collecteur de données langagières, hein, qu'il était dans un échange de personne à personne, et que donc c'est normal qu'il parle beaucoup. Et notamment, il parlait beaucoup au début, racontait sa vie, qu'il peut avoir tendance à faire d'une manière plus générale, au début des entretiens pour stimuler la prise de parole. Au niveau de la publication de tout ça, ce que je vous ai présenté là est en fait une synthèse d'un article que j'ai préparé. Alors, il n'est pas prêt de sortir, je ne sais pas encore quoi en faire. En fait, il m'a été répondu qu'il était un petit peu méta, justement. C'est-à-dire que ce que la revue en question aurait voulu, c'est une description plus précise de ce que j'en fais moi dans le cadre de mes recherches, etc. etc. En l'occurrence, là, c'est plutôt une manière d'interroger les collègues et la discipline, hein, ces outils-là et ces premières stats. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Regardons, il y a une boîte noire, on ne l'ouvre pas. Et en fait, quand on l'ouvre, on trouve des choses qui interrogent. Mais de là à dire, dans un protocole de recherche, notamment dans un protocole de restitution, faire figurer ces statistiques-là, ou serait une bonne chose, et voilà ce qu'on peut prouver, etc. J'avoue que j'ai un rapport aux données qui fait que, dans la mesure où je comprends les processus de construction, je suis assez prudent quand même. Donc j'y vois plus un outil d'interrogation, de réflexivité, qu'un outil d'administration de la preuve. Et à ce titre, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut apparaître dans des papiers qui sont plutôt faits, a priori, pour administrer la preuve. Ou au moins, il y a une part de doute, hein, qui est visible là, j'espère, qui contaminerait peut-être tous les corpus si jamais on donnait toujours ça à voir. Mais voilà, je suis un peu entre les deux. Bref, ça... je finirai par publier là-dessus pour l'instant, mais souvent, hein, c'est-à-dire que la difficulté justement de développer, c'est que vous développez, vous documentez, vous faites le mode d'emploi. Après, si vous avez le temps, vous écrivez des papiers, quoi. Hein. J'ai écrit 8 ans après le premier papier de présentation vraiment exhaustif du logiciel qui est sorti dans le BMS l'année dernière sur le logiciel. Donc ça met 10 ans. Donc de là à ce que je fasse un papier. Bref, je m'amuse plus à développer qu'à rédiger, je crois, sur certains aspects. C'est pas le cœur de mes recherches, quoi. Donc si je trouve le temps, je reprendrai tout ça. Mais... Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, en partie, oui. Après, une autre enfin une conséquence, ça pourrait être, est-ce que ses collègues auraient été d'accord, par exemple, pour participer à une réflexion, pour essayer de contextualiser, par exemple, les constats qu'on peut faire à partir des indicateurs que le logiciel sort. Par exemple, le fait qu'il parle beaucoup, mais il parle beaucoup pourquoi ? Parce que c'est une technique d'enquête où il met de soi dans l'entretien, alors que donc c'est une stratégie consciente en fait et assumée, alors qu'on pourrait faire une mésinterprétation en disant que, je ne sais pas, il fait de l'imposition de problématiques. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que ça peut donner lieu après à une interprétation. Mais est-ce que ces gens-là étaient disposés à... ou est-ce qu'ils repoussaient plutôt... Là, tout ce que je présente, ce sont des échanges de couloirs, hein, clairement, hein, même pas de séminaire. Hein. C'est un vrai point sensible, cela dit. Hein, c'est un vrai point sensible de la discipline. Hein, les conditions de construction des matériaux qualitatifs, c'est une boîte noire. Voilà, il y a plus de coups à prendre. Enfin, c'est plutôt une boîte à baffes qu'autre chose. Hein, il faut l'ouvrir avec prudence. Parce que j'en suis à me demander si c'est pas finalement le secret professionnel des sociologues. Hein, si ça se joue pas là, quoi. C'est-à-dire notre manière de protéger nos sources, enfin, qualitativiste s'entend, hein, mais notre manière de... Je pense que du côté des quantitativistes, c'est plutôt justement tout le travail de nettoyage des bases, etc., qui est peu visible aussi. Hein. Voilà. Nous, la manière dont on met en exergue certains propos, la manière dont on utilise nos entretiens, à mon avis, relève beaucoup de cuisine, quoi, et donc n'est pas bonne toujours à expliciter. Hein. Et voilà. Et alors... L'une des intentions du logiciel, c'était quand même, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un peu un cheval de Troie, c'est-à-dire que j'ai un peu une rigueur quantitative dans l'approche, j'ai envie, on me traite de néo-positivisme, néo-positiviste assez volontiers, j'ai tendance à avoir envie de savoir qui parle, que dit-il, voilà, d'avoir une vraie approche un peu mécanique des données quali qui n'est pas du tout partagée par tous mes collègues. Quoi. Bon, je me perds comme d'habitude, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, pas bien. D'autres questions ? Je pense qu'on peut s'arrêter là alors. C'est déjà midi et quart. Merci beaucoup, les intervenants. Merci à vous.